tout le monde. Alors, je vous rappelle que nous sommes en pleine foire aux célibataires. Yes. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler au 01 42 48 5000. Et c'est vrai qu'on disait qu'il y a quelques instants, tu recevais des messages, Pablo, qui n'étaient pas spécialement sympas sur la page Facebook, notamment de Fabien qui disait je comprends son célibat parce qu'il est grassouillé et sale. Je vais faire un résumé rapide. Donc en fait, je te le dis tout de suite, cette fois au célibataire est en train de se transformer en mouvement de soutien. Très bien. Pour toi, Pablo, parce que il n'y a pas une meuf qui t'écrit, mais il y a Jean qui dit Pablo est très cool et très drôle. Ah, et Paul Arthur ça. Qui dit pourquoi tant de haine envers Pablo? C'est vrai, voilà, pourquoi? Ah, mais il n'y a pas de meuf. Ah merde, mais moi je pensais qu'il y avait des possibilités pour Pablo là. Non, mais fait un faux espoir. Hein. Ah, je suis vraiment désolée. Ascenseur émotionnel. Mouvement de soutien. Ouais. Bah merci quand même à Paul et Jean alors. Yoann a appelé. Yoann a 29 ans et il cherche l'amour. Bonsoir Yo-Yo. Ouais. Ouais. Oula. Comment c'est Nacho? Comment c'est mon vieux? Bonjour les louloutes. Je vais vous entendre les filles. Quel amour mon pote. Alors Yoann, raconte-nous, parle-nous de toi, de ce que tu recherches, vas-y. Bah, personnellement, je vais pas non plus venir et étaler sur ma vie, mais bon, j'avoue que 29 ans, 1m89, 75 kilos, ça va, je suis pas trop dégueulasse. Donc, normalement, ça devrait le faire. Si j'ai une petite demoiselle qui vient et qui passe par les alentours de Metz et qui m'entend, je suis disponible, célibataire, je travaille à la sécurité sociale de Metz, donc je fais un grand coucou en plus, justement, pour le Night Show. Parce que je vous adore. Un peu. Voilà. Alors attends, mais t'es célibataire depuis combien de temps, mon poulet? Parce que t'as l'air sûr de toi, hyper cool. Bah, moi, honnêtement, ça fait faire 4 ans que je suis célibataire. Parce que mon ex s'est barré avec mon meilleur ami. Ah. Et voilà. Aïe, sympa. Et en plus, je travaillais en plus avec cette personne-là. Donc, je vous avoue que ça a fait un petit peu dur. Et depuis, pour le moment, je ne me suis pas, on va dire, vraiment intéressé à la gente féminine, on va dire. Mm. Parce que, vu comment j'ai vu que ça avait tourné, je me suis dit, les filles, pas vraiment très, très sympa. Mais j'ai énormément d'amis féminines, hein, faut pas non plus le croire, donc okay. C'est pas trop un souci, mais voilà. Mais je comprends, il t'a fallu du temps, mon yo-yo, c'est normal. Ouais, voilà, c'est ça, ça ouais. Tout simplement, il me fait pas ça, et puis là, vu que je bosse comme un forçat, on va dire j'ai une vie qui est à peu près stable, donc bon, j'ai des projets de voyage, Japon, Canada, etc., donc... Ah, si une fille veut venir avec moi, il n'y a pas de souci. J'ai un bon feeling, moi, hein, Yoann, il a l'air très, très charmant, très sympa, il aime voyager du côté de Metz, donc si ça vous chauffe, 01 42 48 5000, et effectivement, la description physique n'était pas dégueu, hein, donc Yoann, on va te tenir au courant très rapidement, mon chat, s'il y a du monde pour toi. Eh ben, il n'y a aucun problème, et puis je vous remercie, hein, il n'y a pas de souci. Bah c'est nous, on te remercie, merci d'être fidèle au Night Show, et désolé pour ce meilleur ami en carton, là, et cette fille qui t'a trompé. Nul. Ça, de toute façon, les gens, on peut pas venir et on peut pas les choisir. Il y a un proverbe qui dit, on peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir ses amis. Malheureusement, j'ai mal choisi mes amis. Ouais. Sur ce coup-là. Bon, bah, ça arrive à tout le monde de se faire avoir, bichon. En tout cas, on espère que tu vas retrouver très vite. Nous, on te dit s'il y a du monde. Il n'y a aucun problème. Et puis, je vous remercie pour le fait d'avoir la possibilité d'avoir pu passer à l'antenne. Et puis, Marion et Anso, je vous le dis, je vous suis depuis très longtemps, Marion, sur énergie. Anso, un petit peu moins, j'avoue. Mais autrement, je vous aime bien. Vous êtes sympathique. Et puis, vous avez vous avez l'air d'être de jeunes demoiselles aussi fort sympathiques. Je t'aime, Yoann. Voilà. Oui, nous aussi, franchement. Moi, directement, comme ça, je vous marie tout de suite. Et puis, l'histoire est réglée. On en parle plus. On t'embrasse, Yoann, merci de ta fidélité. Il n'y a pas de souci. Ah ouais, bisous. Il est 21h58, on a une bonne nouvelle. Ouais, plein de messages qui arrivent. Quand même, Pablo est trop beau. Isabelle nous dit ça. Il y a Blanche aussi qui serait ravie de faire ta connaissance. Et il y a Yann qui dit Pablo est le meilleur mec au monde, au fait. Bon, alors okay. Moi, j'ai mieux. J'ai carrément Lisa de Paris qui est en ligne. Oh putain. Il te reste une minute, mon pote, donc t'as intérêt de courir efficace. Hein. Ok, vas-y. Bah, ça, son, c'est ce que je sais faire de mieux. Genre comme ça. Souvent le problème, d'ailleurs. Allez, bonsoir. Ah, bah, elle est là. Oui. Bonsoir, Isa. Lisa. Oui, salut, c'est Lisa. Bah, j'appelle pour Pablo. Bonsoir, Lisa, c'est moi qui te parle. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça me fait bizarre de t'avoir. Je suis un petit peu ému, un petit peu surpris. Impressionné, je comprends. Ouais, impressionné, ouais. Là, je sais pas quoi. Non, mais je te dis, moi aussi, Isa, je suis très timide là en ce moment parce que d'habitude tout va bien, tu vois, je suis pas si timide que ça. Mais là, c'est vrai que il y a à peu près 15 personnes dans ce studio qui sont en train de me regarder droit dans les yeux. Donc, je sais pas trop quoi te dire à part que t'as une très jolie voix et que éventuellement je serais intéressé de te rencontrer, oui. Ok, bah super, bah je suis juste en face de toi, Pablo, donc t'as vu si tu me regardes. C'est Thibaut. Il a fait trop bien la voix. Mais comment il fait pour avoir une voix aussi sensuelle? J'étais sûre que je reconnaissais la voix. Mais vous aussi, vous saviez pas? Mais non, moi je savais pas. Putain, arrêtez. Ah non, moi au début je croyais vraiment que c'était une meuf. Putain, mais alors y'a personne qui a appelé pour WAM? Non. Je suis vraiment chaude en vrai, je suis. Mais attends, mais c'est flippant, Thibaut, cette voix par contre, mec. C'est pas possible de ressembler à une meuf à ce point là quand même. Bah écoute, je ressemble pas à une meuf, c'est juste que. Au fond de moi, je sais vraiment qui je suis. Et... Mais en fait, j'aurais dû m'en douter, ouais, je le reconnais quand il fait sa voix. Oh non, le pauvre Pablo, regardez-moi ça. On l'a traité de grassouillet, regardez, il a le moral dans les chaussettes. Bah ouais, bah vous savez quoi, et en plus, ça me rend encore plus grassouillet parce que moi, quand je suis déprimé, je grassouille. C'est pas parce que je me suis fait passer pour une fille que mes sentiments sont pas vrais, que, c'est vrai. Pas, et que je suis pas un peu amoureux de toi. Mais... Et moi, je te trouve très beau, Pablo. Merci, les filles. Attends, mais on va faire un tour du côté d'Alice de Love in Fun parce que c'est la représentante féminine de cette équipe. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir, Karel, Doc et Alice. Bonsoir. Objectivement, bonsoir. Pablo, il est casable quand même. Non, mais arrêtez, je suis pas un déprimé. Ah, franchement, j'ai ramené quelques copines dans le coin. Il en a excité plus d'une. Hein. Mais, ah, voilà. Mais oui, il y a un côté. Mais c'est son côté un peu sale, et bad boy. C'est vrai, le côté dégueulasse du mec. Et par contre, vomit régulièrement. Ce qui est très important quand même, Alice, fais gaffe à tes copines parce qu'en règle générale, il s'attaque à toutes les copines des gens avec qui il travaille. Ah oui. Donc range tes copines. Je vais faire attention à elles. Mais je suis pas au courant, moi, de ces copines là. Ah, bah, écoute, elles ont essayé, mais apparemment, il n'y a pas eu de répondant. Il n'y avait pas eu un délire avec votre standardiste aussi qui aimait bien Pablo, non? Ah ouais, c'est vrai. Non, ouais, elle aime pas du tout Pablo. Ah bon? Ok, c'était d'accord, fake news alors. Ah non, mais c'est à sens unique quoi. Ah, mais moi j'ai pourtant tout essayé. Hein. Ah. J'ai essayé de les rapprocher et tout, mais je crois qu'elle a un petit fait pour Greg du 12h16. Ah, pas mal. On peut pas toutes les avoir, Pablo. Mais non, mais normal, comme Greg, il les achète aussi. Il arrive avec limite des croissants, des pains au chocolat, des solitaires à gratter, des gaules. C'est vrai. Non, mais attends, mais personne m'a jamais séduit avec des jeux à gratter. Moi, c'est chelou. Bon, Pablo, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, nous, on vous laisse avec l'équipe de Love in Fun qui sont avec vous jusqu'à minuit. On sera de retour demain en direct à partir de 20h. Soyez bien là et on vous souhaite une bonne soirée. Bisous. Au revoir. Merci beaucoup. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Radio. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. Et ça fait plaisir d'être là. Hein. Je sais que je me répète, je le dis tous les soirs, mais parce que tous les soirs, c'est la sensation que j'ai, c'est de retrouver ses amis et surtout vous tous qui commencez à nous rejoindre sur Fun Radio, qui êtes là depuis 20h, depuis le début du Night Show. Merci beaucoup de votre fidélité tous les soirs sur Fun Radio. Nous, on est très heureux d'être ici pour vous présenter une émission totalement différente, une émission au plus proche de vous et de votre vie. Je rappelle que vous pouvez nous appeler tous les soirs au 01 42 48 5000 et que je suis très très bien entouré tous les soirs. Bien sûr. Alors j'ai quelqu'un qui improvise, quelqu'un qui fait des petits comment t'appelles ça, Doc, un atelier d'improvisation. Un atelier d'improvisation. Atelier découverte, hein, ne connaissant pas, je me suis dit tiens, je vais m'y confronter. Alors, atelier d'improvisation, donc c'est un atelier où on te donne un mot comme ça, ou une situation, et tu improvises. C'est ça. Allez, c'est parti. Jouer. C'est parti, Doc. Cunilingus. À la radio, c'est difficile. Ah, ils l'ont pas pris. Ah, mais il a tenté. Cunilingus, on le fera tout à l'heure. Et c'est vrai que t'as fêté un anniversaire ce week-end, aussi, Doc. Ouais, et c'est pour ça explique un petit peu ta voix éraillée ce soir. Une cigarette et voilà. Oh, une cigarette. Oh là là. L'horreur. Quel menteur celui-là. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends, Doc, je suis sûr que t'as fait bien pire. T'as chanté toute la nuit. Hein? Non, c'était très calme. C'était chez la voisine? Ah non, pas du tout. Ah, ici, les Moulineaux. Quel dommage. Comment s'est passé ton week-end, Alice? Bah, Bah écoute, j'ai passé un très bon week-end. Quoi? Non, rien, hein. Non, parce que je sais que t'as fait un petit peu de ménage. Mais oui, mais après on va penser que mon week-end c'est de la merde. Mais c'est vrai que j'en ai profité, franchement j'en ai profité pour faire le ménage, voilà, le ménage de printemps en hiver, voilà, c'est comme ça. Hein? Ah bah, et franchement, c'est l'occasion de le faire. Et tout le monde fait le ménage. Il a fait un temps de merde tout le week-end. Il a plu. C'est vrai. Chez nous, en tout cas, c'est vrai qu'il faisait pas très beau. Hein. Moi, j'ai passé mon week-end à regarder la télé, comme ça. Mais ça, c'est quand même sympa. Hein. Les week-ends canapes, Netflix et tout, c'est cool. Ah, carrément. Et comment va Kassim? Ça va très bien. Ah, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? C'est la France qui se pose cette question. J'ai fait un brunch chez Coco. Oh putain. Il y avait ses darons. J'ai rencontré son père. Mais t'es même pas invité. T'as fait un brunch. Ouais. Putain, mais quel beau monsieur. Ah oui, carrément, ouais, j'assume. Ah, des petits brunchs le week-end. Il y a sa meuf en plus, putain. D'accord, la meuf à Coco. Ah bah ouais. Donc ton ex. Oui, c'est ça. Coco du standard, c'est pour ça qu'il fait la gueule aujourd'hui. J'ai même pas envie de discuter avec vous. Putain, c'est pas vrai. Non mais je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a Kassim qui est le reproducteur, donc c'est le réalisateur et producteur de cette émission. Et puis Coco du Standard qui nous a rejoint cette année. Coco à qui on a déjà donné une magnifique rubrique, le Zap de Coco. Et Coco, voilà, qui sort avec une fille qui est très jolie, mais qui est l'ex de Kassim. Ouais. Et forcément, ça fout la merde. T'as l'impression qu'elle s'est rapprochée de toi ou pas, Kassim? Bah c'est vrai qu'elle me dit, tu en veux encore des petits œufs? Tu veux de la mousse au chocolat? C'est ça, je dis oui, bien sûr. Tout va bien, Coco? Non. Okay. Et c'est Méloche qui vous attend au standard 01 42 48 5000. Qui va nous passer l'auditeur du soir? Il s'appelle Johan, il a 25 ans, il est de Paris. Bonsoir, Johan. Salut l'équipe de Love in Fun. Ouais. Tu sens le mec qui veut mettre l'ambiance. Ça fait plaisir. Sois le bienvenu, Johan. Ce soir, tu vas faire de la radio avec nous, il paraît. Bah ouais, carrément, avec plaisir, avec toute l'équipe. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais parler ce soir dans l'émission? Bah éventuellement, ouais, c'est pour ou contre se masturber en couple. Pour ou contre se masturber en couple? Ah ça, c'est une bonne une bonne question. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au standard au 01 42 48 5000, on en parlera. Et puis Johan, tu vas choisir la musique. T'aimes quoi toi en ce moment qui passe sur Fun Radio? Le nouveau Major Lazer, qui déchire. Major Lazer et Tovlo. Blow That Smoke. Allez, petit blind test, Alice, c'est quoi ça? Le dernier Nils Van Zandt. Ah bravo Alice, bravo. Et sans tricher en plus. Hein. Le prochain, il est pour toi, Doc. Hein. C'est ça, ouais, tu parles. On écoutera Nils Van Zandt. Et ça, c'est quoi, Doc? Ah, j'adore. Non, bah vas-y, aide-moi, Alice. Eastside, Benny Blanco. Et oui. Bien cool, hein. Si vous venez de débarquer, on passe la fin de soirée ensemble sur Fun Radio tous les dimanches, 22h, minuit, on est ensemble. Et on est là tous les soirs du dimanche au jeudi. Et est-ce qu'on attaque l'émission là, Johan? Allez, on attaque. C'est parti, on va accueillir Dylan, 18 ans de La Rochelle. Salut Dylan. Bonsoir l'équipe. Salut à toi. Salut. Qu'est-ce qui t'amène dans l'émission, Dylan? Alors j'ai un petit souci avec ma belle-mère. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec belle-maman? On va dire qu'elle essaye quelques rapprochements, quoi. Ah ouais. Donc alors t'es avec sa fille, c'est ça? Je suis avec sa fille depuis 7 mois, ouais. 7 mois, ok. Donc t'as été des fois chez elle et t'as eu le sentiment qu'elle avait envie plusieurs fois, des fois même très marqué, quoi. C'est-à-dire? Bah au début j'étais avec sa fille, ça se passait bien. Après 2-3 mois j'ai commencé à recevoir des messages tous les soirs, quoi. Des petits messages qui te disaient quoi? Bah ça se passe comment? Ça va super. Tu sais, je suis très content de toi. Plein de trucs comme ça, quoi. Bah, c'est plutôt gentil, ça. Au début, c'était gentil. À la fin... À la fin, elle t'a demandé quoi? De repasser ses petites culottes? Non, quand même pas. Non, mais qu'est-ce qu'elle te dit? En fait, il faut que t'aies une preuve pour elle te chauffe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle te parle, pour l'instant. Après, il y a aussi quand on est en face-à-face, quoi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand on est en face-à-face, elle va être... comment ça s'appelle? Elle va pas arrêter de me toucher quand elle va me parler. Un jour, elle m'a fait, ouais, vas-y, on peut parler. Elle m'a amené dans sa voiture, quoi. Elle est peut-être tactile. Et t'en as parlé à... Pire que ça, je vous assure. T'en as parlé à ta copine de ça, en lui disant... J'ai parlé à ma copine, elle m'a fait... J'ai vraiment l'impression que ma mère veut te pécho. Ah ouais, donc elle aussi pense que... Ah ouais, j'avais parlé à mes parents, et mes parents m'ont fait, mais elle veut pas te pécho, la mère. Ah oui, ok, donc tout le monde le voit, qu'elle a un faible pour toi. Tout le monde le voit, je vous assure. Non, mais c'est malsain. Enfin, je veux dire, si déjà sa fille, elle réagit comme ça, c'est que... C'est chelou, hein. Voilà, c'est bizarre. C'est, à mon avis, c'est une blague, quoi, tu vois. C'est pas dans l'humour qu'elle te dit tout ça? Ah non, je vous assure que non. Le dire, c'est qu'elle est divorcée là depuis 4 mois. Et c'est depuis qu'elle a divorcé qu'elle est tout le temps comme ça, quoi. Elle est pas tactile particulièrement de toute façon avec tout le monde. C'est pas sa façon de faire. Non, pas du tout. C'est qu'avec toi. Et pourquoi tu lui en parles pas? Pourquoi tu lui dis pas? Je lui ai déjà parlé. Je lui ai déjà dit face à face. Je lui ai dit, là, madame, faut qu'on mette les choses au point, quoi. C'est beaucoup trop. Attendez. Madame. Elle a pleuré, la fée. Ouais, mais moi, je t'aime beaucoup. J'ai pas envie qu'on casse des choses et tout. Ah ouais, donc elle a chialé comme si c'était un règlement de compte entre couple, quoi. Bah, il y avait ma copine à côté dans le salon. Elle a fait après. Putain, j'ai vraiment l'impression que c'était une embrouille de couple, quoi. Mais ta copine, elle est genre hyper, voilà, quoi, zen. Elle, ouais, elle est spectatrice bizarre. De ça et puis elle réagit pas. C'est dingue. Quoi cette famille? Elle s'était engueulée avec sa mère par rapport à ça. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah, bah voilà, quelque genre, chose d'intéressant. C'était quoi? Tu sais? Bah, elle a acheté un chien à la mère. Le chien voulait l'appeler comme mon nom. Mais non, mais elle en fait trop, c'est pas possible là. C'est la belle-mère qui voulait appeler le chien Dylan, c'est ça? Elle fait comme mon surnom, c'est Didi, quoi. Enfin, c'est Didi, elle voulait appeler le chien Didi. Oh là là. Elle voulait appeler le chien Didi, et du coup la fille elle fait allez, t'appelles pas mon chien comme mon copain, quoi. Ah putain, ah, oui, tu m'étonnes. Mais tu veux faire quoi, du coup, en fait, avec elle? Tu veux qu'elle arrête définitivement? Tu veux arrêter de la voir? Déménage. Tous les soirs je reçois des messages, c'est insupportable, quoi. Mais pourquoi tu lui dis pas? Pourquoi genre Je l'ai déjà dit, elle continue, je vous assure. Et ben, est-ce que tu veux continue. Qu'on t'aide à lui en parler pour qu'elle se rende compte, mais vraiment tranquille, hein, en lui disant bon bah voilà, c'est juste que c'est hyper gênant pour Dylan, lui faire prendre un peu de recul et que toi tu lui dises clairement, j'ai envie que ça s'arrête et je suis en couple avec votre fille, j'aime votre fille et ça m'est mal à l'aise, j'ai envie que ça s'arrête. Tu devrais lui dire quand même pour de bon que si tu veux, nous on est là, Doc peut lui parler, lui faire prendre du recul un peu sur la situation. Elle va pas mal le prendre, mais qu'elle comprenne que c'est gênant, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle? Ouais, allez, c'est parti. Bon, alors Dylan, on va appeler ta belle-mère dans un instant sur Fun Radio. Et vous, ne bougez pas, puisqu'on est de retour dans 3 minutes avec... The Prince Karma. Kassim va donner le titre de ce son. Letter Bitches. Magnifique anglais, c'est dans un instant. Vous, ne bougez pas. Letter Bitches, à tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Fun Radio vous offre votre iPhone XS avec le double fun. Hey, this is Zed. Dès que vous entendez les tubes de Zed et DJ Snake mixé à la suite. Salut, c'est DJ Snake. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 3228. Allô, allô, c'est la famille. Et vous gagnez le téléphone que tout le monde veut. L'iPhone XS, c'est gagné. C'est le double fun. Double fun. Avec Zed et DJ Snake. Fun Fun Radio. 32,28 services payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Concession BMW, 10h12. Ici, vous avez la série. Ok, j'achète. 11h16. Je vous présente notre superbe BMW. C'est bon, je la prends. 13h02. Pour découvrir le plaisir de conduire. Oui, mais elle est pour moi. Pas de temps à perdre. Jusqu'au 21 novembre, ce sont les BMW Speed Dating. Craquez pour les offres coup de cœur de votre concessionnaire, comme la BMW Série 5 de direction à moins 16 000 euros par rapport au prix du neuf. Offre dans la limite des voitures de direction disponibles dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmwspeeddating.fr. Téléchargez l'application gratuite Fun Radio. We gonna ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride till we fall. When we hit the bottom. Yeah. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Climb to the top, you. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Merci d'écouter Fun Radio, c'est Love in Fun au 01 42 48 5000. Alors quoi que vous fassiez, arrêtez tout. Il se passe quelque chose avec Dylan, 18 ans de La Rochelle, qui nous a appelé ce soir et qui nous a expliqué qu'il était en couple depuis 7 mois avec sa copine. Le problème, c'est qu'il a l'impression que sa belle-mère le chauffe. Tous les jours, elle lui envoie des messages. Et alors franchement, c'est toujours délicat pour lui de l'appeler et pour lui dire. Donc moi, je vais me faire passer pour un copain, lui. Et je vais lui dire que bah voilà, moi, je suis totalement célibataire et que bah, j'aimerais bien tenter une histoire avec belle-maman. Hein ? Il n'y a pas de souci. Bien sûr. Allez. Ah, c'est parti alors. On appelle Claudie, la belle-maman. Comment elle s'appelle ta copine ? Elle s'appelle Amandine. D'accord. Et là, elle sera là aussi, Amandine ? Je pense que oui. Oui, allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, pourrais-je parler à Claudie, s'il vous plaît ? C'est moi. Bonsoir, Claudie. Je bonsoir. Ne vous dérange pas ? Non. Je suis, je suis Francesco et je suis un ami de Dylan. Oui. Le petit copain de votre fille, Amandine. Ouais. Et je vous appelle parce que Dylan m'a montré un petit peu les messages que vous lui envoyez de temps en temps. Et il m'a dit également que vous étiez célibataire et moi je voulais savoir, je sais que ça peut vous paraître un petit peu cash. Ah bah oui. Mais j'aimerais savoir si c'était possible, parce qu'il m'a montré une petite photo de vous, j'aimerais savoir si c'était possible peut-être de vous rencontrer. Bah écoutez, vous me prenez vraiment là... je sais, je suis vraiment désolé. Non, c'est vrai, c'est... Voilà, j'ai eu un petit coup comme ça parce que j'ai discuté avec Dylan. Il m'a parlé de vous, il m'a dit que vous étiez une personne vraiment très très sympathique. Puis voilà, vous étiez célibataire actuellement et moi je le suis redonnez-moi également. Redonnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Francesco, je m'appelle Francesco, je suis d'origine italienne. Ouais. Voilà, et moi j'ai 32 ans. Ah ouais, non. C'est très gentil, mais moi je fréquente pas une personne de cet âge-là. Ah bon, parce que Dylan m'a dit qu'il avait l'impression que parfois vous essayez de le chauffer un petit peu, donc peut-être que vous préférez les petits jeunes. Non, mais n'importe quoi. Ah bon ? Oh, pauvre type, hein, pauvre connard. Non, mais enfin, Claudie. Claudie, on apprend à peine à se découvrir ce soir. Ah, elle a raccroché. Bon, alors... Bon, visiblement, elle n'a pas la sensation de te chauffer. Au moins, elle ne sait pas que ça vient de toi, Dylan. Oh, c'est encore un échec pour moi. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'au début, elle paraissait intéressée. Et quand tu lui as donné l'âge... Ouais. Et quand tu lui as donné l'âge, c'était comme si, bon non, machin. Comme si finalement, en fait, c'était trop vieux. Ouais, j'ai l'impression. Parce que quand tu dis, je suis le pote de Dylan, elle se dit, bon bah voilà, il doit avoir 18-19 comme lui. Et puis quand tu lui donnes le véritable âge, elle est plus intéressée. Ouais. Mais je sais qu'elle parle à des gars qui sont assez jeunes, quoi. Fallait me dire, hein, putain, je me suis vieilli en plus. Bah ouais. Merde. On va rappeler, et maintenant tu vas lui dire, ah, je suis désolé, il y a un copain à moi qui a dû t'appeler et tout. Ouais, il n'y a pas de souci. Et là, du coup, tu lui dis, non, mais c'est parce que moi, j'ai l'impression que tu me chauffais et tout. Sois cash, il ne faut pas que tu aies peur, tu vois, il y a un moment. Pas de souci, ouais. Voilà, faut que tu t'en termines avec ça, tu vois. Ça arrêtera ce que ça a arrêté, donc. Mais oui, elle t'en voudra pas, elle se dira juste, oh mince, c'est des mauvais signaux, je vais arrêter. Au pire. Putain, c'est plus belle la vie, ce truc. Sans déconner. Ouais, c'est vrai. Allô ? Allô ? Oui, c'est Dylan. Oui ? Ah ben, oui, ça tombe bien, je vais t'appeler. J'ai un pote qui a pris mon portable. Oui ? Alors, il y a un mec qui m'appelle, qui me dit qu'il a un de tes copains. Claudie, écoute. En fait, il avait vu les messages, comme quoi, par inadvertance. Du coup, il m'a fait, mais c'est qui ? J'ai répondu que c'était ma belle-mère, quoi. Il a demandé si elle était célibataire, parce qu'il vous trouvait mignonne, quoi. Et c'est comme ça qu'après, je lui ai donné le numéro, parce que franchement, je lui ai dit, elle me chauffe un peu, j'ai l'impression. Donc, lui, il aime bien tout ce qui est cougar, quoi. Ah, bah d'accord. Il aime bien tout ce qui est cougar, du coup, je vous ai un peu proposé, parce que vous m'envoyez beaucoup de messages, je me suis dit, vous pourriez faire pareil avec lui, non ? Non, mais attends, 32 ans ! Bah non, mais vous pouvez toujours essayer, non ? Non, mais ça va pas la tête. Vous êtes chaud, vous deux, donc ça peut le faire, non ? Non, mais alors là, Vous êtes pas intéressé. Mais ça va pas, 32 ans, je prends d'un mec de 32 ans. En fait, le truc, c'est que vous m'envoyez trop de messages, du coup, bah, je me suis dit, vous pourrez peut-être faire la même chose avec lui, comme ça, vous m'envoyez plus rien, et vous faites tout avec lui, non ? Ouais, bon, d'accord. Vous voulez pas ? Ok, Dylan. Bon. Je pense que le message est passé, oui. Mais qu'elle est hyper gênée de la situation parce qu'elle elle devait se dire, bon, bah, il rentrait peut-être un peu dans mon jeu. Tu vois, le fait de ne pas avoir été cash dès le début, elle s'est fait peut-être un peu des films par rapport à toi, quoi. Mais là, c'est comme si elle était vexée, genre, bon, d'accord, c'est bon, j'ai compris, je t'enverrai plus de messages. Voilà, mais ça l'a fait chier quand même, hein. Ouais, ça l'a fait chier. Là, ta dernière phrase, elle est cash, normalement, ça devrait être réglé. Oui. J'arrive pas à savoir si elle préfère les plus jeunes ou les plus vieux. Non, c'est les plus jeunes. Hein, c'est les plus jeunes? Ouais, franchement, je pense que c'est 32 ans, elle a plus de 50 ans. Ouais, mais attends, elle drague Dylan aussi. Il y a aussi d'autres gars, 35 piges, tout ça sur les sites de rencontres, quoi. Ouais, ouais, mais elle a pas contredit quand même quand t'as dit vous m'envoyez plein de messages, vous me chauffez, comme ça vous pouvez le chauffer lui. Elle a pas dit non. Elle a juste dit, oh, tu me fais chier, genre, ok, c'est bon, quoi. Donc, à mon avis, tu l'avais quand même bien cerné et t'as bien fait de faire appel à nous parce que je pense qu'elle va quand même nettement plus te laisser tranquille, quoi. J'espère. Non, et moi, je pourrais même pas sortir avec. Rappelle-la avec un autre nom et tu dis que t'as 19 ans. Non, ça m'intéresse pas. Hein. Non, mais Dylan. Alors moi, franchement, je reste vachement dubitatif. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas réussi à l'analyser vraiment. Ouais, je suis pas sûr quand t'as dit non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un mec de 32 ans? Est-ce que parce que c'est trop jeune et elle veut plus vieux ou est-ce que non, c'est déjà beaucoup trop vieux? Bon, en tout cas, c'est assez étrange. Elle a bien compris que ça te faisait chier de recevoir autant de messages. Maintenant, ça va être aussi, et surtout, je pense, on en a parlé, Amandine, quoi. Mais ta copine, c'est à elle de gérer sa mère aussi, je veux dire, à un moment donné, quoi. Mais elles sont trop proches, c'est louche, et c'est peut-être ça, justement, qui fait que c'est particulier. Peut-être qu'elle est en kiff, pas sur toi, parce que t'as 18 ans, parce que tout ça, mais parce que t'es le mec de sa fille. Tu vois, peut-être qu'on sait pas, il y a un truc de jalousie, mère-fille, quoi. Est-ce qu'elle essaye pas de te tester, tu vois, en même temps? Il y a peut-être un peu de ça. J'y crois pas. Pourquoi pas? Ouais, envoyer des messages tous les soirs et tout. Bah ouais, pour voir. Immature de la part d'une mère quand même, ça serait horrible. Pour voir si tu tiens vraiment à sa fille. Ouais. Pour voir si tu tiens vraiment à Amandine. Ça fait 7 mois quand même. Ouais. Bah ouais. Moi je pense qu'elle te kiffe, elle a essayé sur un malentendu, elle s'est dit hop, un petit doigtage sur le canapé familial. Elle a négocié quoi. Bah, tu vas voir avec Amandine maintenant. Ouais. D'accord, Dylan. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Bon, bah, il n'y a pas de problème, au moins ça avance un petit peu cette histoire. Oui. Et on se rappelle très vite pour en savoir un peu plus parce que moi je reste un peu sur ma faim. D'accord? Il n'y a pas de souci. Gros bisous, mon Dylan, tiens-nous au courant. Salut! Vous restez bien avec nous, surtout que dans un instant, on va parler d'un message qu'on a reçu sur les réseaux sociaux, Alice. On a reçu un message sur la page de Facebook de Love in Fun en message privé. C'est un message d'Ophélie. Elle est en couple avec un mec, en fait, qui ne vit que pour sa voiture. Donc, tous les week-ends, il les passe à bosser dessus. Il achète des lumières, il change la peinture, il la nettoie. Et en fait, il fait passer carrément sa voiture avant elle. Ah, et ça arrive souvent, ça. Hein, la passion, la famille. Parfois, il y a des fans aussi. J'ai vu ça dans des émissions, là, tellement vrai. Genre, t'as des fans de superstars, genre Johnny Hallyday. Ouais, les mecs, ils vivent à travers Johnny Hallyday. Ou Britney. Ah ouais, et puis il y a la femme qui est fan d'Enrico Macias. Alors du coup, c'est la merde et tout. Bon, on va peut-être pas aller jusque-là, hein, mais n'hésitez pas à nous dire 01 42 48 5000 si vous avez déjà, voilà, dans votre couple, fait passer quelque chose avant ce couple. 01 42 48 5000, on vous attend nombreux, nombreuses. Voici The Prince Karma sur Fun Radio. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. my God, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that. I'm not, like, wearing any underwear, so... Later, bitches. Prince Karma, Let the Bitches sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. Love in Fun. 20h, 22h. Love in Fun. On est en direct, il est 22h28. Merci beaucoup d'être avec nous dimanche soir en direct sur Fun Radio dans toute la France. Alors je rappelle que nous, Love in Fun, on est partout. On est sur Facebook, on est sur Snapchat, on a aussi l'Instagram Love in Fun, n'hésitez pas. On follow back à peu près tout le monde, Alice, en plus, sur Instagram. Ok, d'accord, on follow back ce soir jusque minuit. Eh ben voilà. Voilà, c'est l'idée est lancée, on vous follow back. C'est une idée qu'on lance là maintenant. Vous nous follow. Alors c'est du verbe following, hein, to follow, follow, follow. Hein, vous faites un petit follow, on vous auto-follow. Voilà, donc n'hésitez pas. Pour nous retrouver, c'est Love in Fun sur Instagram. Et t'as Instagram aussi, Alice, c'est quoi le tien? Oui, c'est Alice-du-bas Fun Radio. Voilà, moi c'est Karel Fun Radio avec un K comme kayak. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Et on va parler un petit peu avec Johan, 25 ans de Paris, qui est notre auditeur du soir. Et j'ai appris quelque chose. Johan? Oui. Johan, tu nous as pas tout dit? Ça dépend, tu veux savoir quoi? Johan le jour, Vega Trachix la nuit. Exactement. Et oui, Johan est drag queen. Drag queen et humoriste, je fais les deux. Ah, drag queen et humoriste. Alors, il faut que tu nous parles de ce concept. C'est quoi ça, oui. Johan? T'es un artiste? Alors c'est ça, en fait, à la base je suis humoriste et j'ai créé un personnage drag queen qui s'appelle Vega, que j'ai fait évoluer au fil des années. J'ai un spectacle complet sur Paris et j'anime des soirées, je fais un peu de tout. D'accord, alors si on veut voir Vega sur Instagram, t'as un compte aussi toi, Johan Vega? Ah bah obligé, donc mon compte c'est Vega-du-bas humoriste. D'accord, Vega-du-bas humoriste, et vous allez voir Johan en drag queen. Exactement, j'ai plein de photos. D'accord, Johan. Eh ben, on va aller voir ça. Alors, maintenant, tu vas faire Vega jusqu'à la fin de l'émission, Johan. Ah, t'es sûr, tu veux? Bah, ouais, vas-y. Fais voir, ça va. Okay. Salut, Vega. Salut, l'équipe. Comment ça va? C'est pareil. C'est la même personne. Alors, je t'explique. Je suis Dracoon, c'est-à-dire que ma voix ne change pas. C'est juste le personnage qui va changer. D'accord, qui ok. Va être dans l'exagération. Ah, bah oui, oui. Ah bah la oui, voix j'ai... ne change pas. Ah, bah. Ça nous rassure. Oui, voilà. Il n'y a pas d'erreur. On a une question à la con, t'as pas la question. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Top à l'auditeur. Lisa. Lisa, salut, 20 ans. Ouais. Salut. Salut. Bonsoir, Lisa. Salut tout le monde. C'est parce qu'on fait les cons aussi. C'est pas... Mais Lisa, installe-toi. C'est parce qu'on fait les cons que tu nous aimes bien aussi tous les soirs, Lisa. Bah là, en plus, j'ai une très très bonne grosse question à la con. C'est pas vrai. C'est le top de la question à la con, celle-ci. Alors, si c'est le top de la question à la con, on veut l'entendre. Qu'est-ce qui se passe? Accroche-toi bien. Quand on mange, on va aux toilettes derrière. Aïe. Techniquement. Est-ce que. Si on avale des trucs par le cul, est-ce qu'on repasse par les toilettes derrière pour le rendre par la bouche? C'est pas une si mauvaise question que ça. Il y a un trou d'entrée, il y a un trou de sortie. Et si le trou de sortie devient le trou d'entrée, Doc? Si on le fait avec le poirier, si on le fait en version poirier, peut-être qu'on va pouvoir dans le sens. Alors, Lisa est gymnaste en plus. Elle pratique le poirier. Doc, est-ce que c'est possible déjà de manger par le cul? Ah bah tu peux faire rentrer les choses par le cul, c'est pas le problème. On sait bien hein, quand même tout un tas de trucs qui peuvent y rentrer. On a déjà retrouvé des carottes dans des anus. Voilà, est-ce qu'elles sont digérées? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une histoire de légumes digérés? Jamais, une fois Doc. Qu'on les avait rentrés Jamais. Par là. Eh ben non, parce que le processus de digestion, il commence en bas de l'œsophage et il va dans le sens de la pesanteur en descendant. Voilà. J'ai une mauvaise nouvelle. Et pas du tout en remontant. Voilà, bah oui. Non, mais non, ça marche que dans un sens. Il va falloir arrêter de se mettre des betteraves dans la chatte ou dans l'anus, Lisa. Ça ne digère pas. Je vais faire une expérience, puis voilà, je vais. Surtout la tête en bas. Donc, voilà. T'avais tenté l'expérience, Lisa? J'étais partie pour le faire, puis j'ai dit, je vais appeler Lovington quand même pour me le faire confirmer. Eh ben voilà, il vaut mieux. On ne va pas mourir con quand même. Exactement. Lisa, tu reviens quand tu veux, et dès que tu as une petite question, hein, même une question qui te paraît pas con, hein, je pense qu'il faut que tu la viennes la poser sur Fun Radio. D'accord, Lisa? C'est noté. Gros bisous, Lisa. À la prochaine. Salut. À bientôt. Salut, à la prochaine. Salut. Salut. Salut. Ciao. On va accueillir Alexandra, 24 ans de Bourges, dans Love in Fun pour ce premier sujet à réaction qu'on a eu ce soir. Est-ce que vous avez déjà été en couple avec quelqu'un qui faisait passer autre chose avant vous? C'est ça, Alice. On a reçu un message d'Ophélie. Elle est en couple avec un mec qui vit en fait que pour sa voiture. C'est-à-dire qu'il passe tout son temps libre sur sa voiture. Il la nettoie, il change des trucs, il change des pièces, il achète une nouvelle sono. Enfin bref, le mec, il est à fond dessus. Et du coup, voilà, sa voiture passe clairement avant sa meuf. Ah, ça peut être la passion, le boulot, la famille, une star aussi qu'on idolâtre. Des animaux. Ouais, non mais c'est vrai. Il y en a qui font des concours canins par exemple, c'est une vraie passion et ils vont tous les week-ends et tout, et il faut être de ceux qui aiment ça parce que bon, sinon tu fais chier. Alors, bonsoir Alexandra. Bonsoir Alice, bonsoir Karel et Doc. Salut. Bonsoir toi, t'as 24 ans et t'es de Bourges. C'est ça. Alors, tu nous appelles pour réagir, Alexandra. Est-ce que tu as vécu ça, toi? Peut-être t'en as été victime, ou au contraire, t'as été actrice dans cette histoire? Alors, moi, j'en ai été victime sur mon dernier ex. Ça faisait un an et quelques mois qu'on vivait ensemble, qu'on était ensemble. Et c'est simple, il vivait donc de sa passion, c'était les jeux vidéo, donc la console, que ça soit la nuit, que ça soit la journée, que j'ai envie sexuellement. J'attendais. Ah mais même si tu lui faisais une petite pipe pendant qu'il jouait, il était pas réceptif. Ah non, c'était juste pas possible, hein, surtout s'il était en ligne sur Call of Duty, hein, c'était mort. Hein. Ouais, non mais bon, insupportable. En même temps, pour faire des headshots, faut être concentré. Et après, c'était son meilleur ami. Donc j'avais le droit à la console et son meilleur ami. Donc son meilleur ami, il allait le voir, dès qu'il faisait une pause sur la console, il allait voir absolument son meilleur ami. Il passait la journée avec, ils allaient rejouer à la console chez lui. S'il voulait faire des soirées, c'était soirée console et Jet 27. Une fois, j'étais de la soirée et puis je regardais un truc sur la télé et tout, donc ça les faisait chier, ils pouvaient pas jouer à la console. Ils se sont regardés et puis ils se sont embrassés devant moi. Hein? Ah oui, donc en fait. Ah oui, c'est ça. Parce que moi j'étais en train de me demander, mais elle est où ta place là? Ah bah oui, là ça y est. Je me disais, le meilleur ami a un truc quoi. Ah ouais. Donc j'avais le droit à ça. Une fois, je me suis pris la tête avec son meilleur ami. Donc qu'est-ce que je faisais? Quand il trouvait le temps de dormir, mon ex, je regardais sur son téléphone et c'était les petits cœurs, il était je t'aime. Est-ce qu'on se revoit? Il était en couple avec son meilleur ami en fait. Oui, c'est ça. Ah ben, je me demande si c'est pas un guerre foulée, hein. Donc, te demande pas en fait. Il y avait la réponse. Des crises de jalousie dès que je me prenais la tête avec mon ex, son meilleur ami, il venait se mêler de notre histoire, quoi. C'était ta faute, Alexandra. C'est qu'une gare, c'est pis, ça et tout. Alexandra, je sens que t'en as gros sur la patate parce que là t'as vécu ça de très près, mais arrête de dire son meilleur ami parce que je crois qu'on peut dire son petit copain. Mais des fois je me demandais franchement s'ils ont pas pratiqué la sodomie tous les deux. Hein, la manette, à mon avis, elle a terminé dans un cul. Hein. Et franchement, c'était vraiment, ils étaient tout le temps H24 ensemble, tout le temps en train de jouer à la console. Des fois je pouvais jouer à la console, mais c'était limite s'ils éteignaient pas la manette exprès. Bon, maintenant ils sont ensemble. Ils sont tout le temps ensemble. Hein. Des fois je les crois toujours. Ah, mais attends, Alexandra, t'es encore en couple avec? Non, elle a dit mon ex. Ah non, non. C'est bon, okay. T'es passé à autre chose. Ça fait combien de temps que c'est fini? Depuis le mois d'août. D'accord. Et j'ai l'impression que c'est encore un peu dur pour toi. Ah, c'est pas dur, quoi. Mais moi, je renais depuis que je suis plus avec. Ah voilà, avant, très bien. Je sortais jamais et tout. Je pouvais jamais voir mes amis venir à la maison. Oui, il vivait chez moi, il payait pas de loyer, rien, mais il avait tout le temps son meilleur ami. Alors j'ai une question. J'ouvrais ma bouche, me faisais engueuler. Oui, ah ben Alexandra, voilà, c'est fini, on a bien compris, et il était temps que ça se termine. Et ça, c'est un bon exemple, hein, Doc, d'une situation où, tu peux plus revenir en arrière. À un moment donné, il faut se séparer. Qu'est-ce qui fait qu'une passion, dans une relation, devienne plus forte que la relation? Qu'est-ce qui fait qu'on peut en arriver là, Doc? En général, il y a toute une histoire derrière ça, et des histoires avec les parents. Comment est-ce que t'as réussi à faire de tes parents les objets principaux de ton amour ou pas? Et quand il y a pas ça, bah des fois c'est d'autres choses qui deviennent vraiment l'objet principal de ton amour. Notamment par exemple les stars, où tu vas devenir fan de quelqu'un. C'est des processus d'identification. Alors après sur une voiture, normalement il y a pas de processus d'identification, et ça prend de la place. Et ça prend de la place au-delà du sentiment amoureux. Évidemment, il y a des choix à faire à un moment donné. Normalement, quand tu es avec quelqu'un, c'est quand même pour cette personne. C'est pas juste la petite place à côté. Alors évidemment, tu peux avoir des hobbies, des loisirs, des amis, c'est pas le problème. Enfin, quand tu es amoureux, normalement, il y a quand même une place qui commence à être un peu plus prépondérante. On peut laisser un peu de temps. Est-ce qu'il faut se poser des questions quand on se rend compte que finalement, on passe beaucoup moins de temps avec son chéri ou sa chérie et beaucoup plus de temps avec sa passion? Ah bah ce serait bien de se poser la question, bien évidemment, mais la plupart de ceux qui sont dans ce genre de situation où ils passent plus de temps pour un hobby ou un loisir ou la famille, en général ils se posent pas la question. Mais non, mais c'est ça, c'est comme ça, moi j'aime ça, c'est pas la même chose, toi je suis avec, je suis amoureux de toi, bon, et puis pourtant à côté, bah il y a un truc qui prend trois quarts du temps, quoi. Ouais, bon, on va continuer d'en parler. Je sais pas d'ailleurs si Alice, t'as vécu ça, toi, dans une relation. Bah, un mec, ouais, avec une passion un peu trop envahissante, c'est vrai. Ah, putain, je veux savoir. Dans un instant. Dans un instant, Alice va tout nous expliquer. Quelle était donc cette passion de l'ex d'Alice? Restez avec nous. Alexandra, tu bouges pas, ma chérie? Ça marche. Ah, moi, j'appelle tout le monde ma chérie. Loïc, tu bouges pas, ma chérie? Non, je bouge pas. Ok. Et restez bien avec nous. 01 42 48 5000. Je suis sûr qu'il y en a à qui c'est arrivé, là, qui veulent parler et réagir sur Fun Radio. N'hésitez pas. En plus, on va revenir avec Niels Van Zandt. On est à la cool jusqu'à minuit. On est dimanche soir. On est en direct, hein, les amis. 22h minuit, c'est Love in Fun. Suivez-nous sur Facebook. La page Love in Fun. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio. Vous m'envoyez un découvert bancaire, Elodie, puisque souvent, je le dis, quand il y a trop de factures, envoyez directement une copie de votre livret de compte. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que ça t'a bien mis dans la merde. Oui, ça fait plus d'un an. Eh ben, tu sais quoi? J'efface ce découvert. Vous êtes trop géniaux. Sèche tout de suite les larmes, même si ce sont des larmes de joie. D'accord? Oui, je vous remercie. Vous êtes super. Bisous, ma belle. Bisous, Elodie. Bisous. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Concession BMW, 10h12. Ici, vous avez la série... Ok, j'achète. 11h16. Je vous présente notre superbe BMW. C'est bon, je la prends. 13h02. Pour découvrir le plaisir de conduire. Oui, mais elle est pour moi. Pas de temps à perdre. Jusqu'au 21 novembre, ce sont les BMW Speed Dating. Craquez pour les offres coup de cœur de votre concessionnaire, comme la BMW série 5 de direction à moins 16 000 euros par rapport au prix du neuf. Offre dans la limite des voitures de direction disponibles dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmwspeeddating.fr. De 22h à minuit, du sexe, de l'amour et du fun. Love it fun. Sur Fun Radio. I'm just a man on his way to the moon, wishing the rocket would go faster. Nils Van Zandt, On My Way sur Fun Radio. De 22h à minuit, in. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. 01 42 48 5000. C'est Loving Fun sur Fun Radio. Vous pouvez tout dire ici sur Fun Radio, on n'a aucun tabou, hein. Il n'y a pas de limite. Si vous avez un truc à dire, venez, venez. 01 42 48 5000. En fait, tant que vous respectez les autres, vous pouvez venir parler vraiment librement. 01 42 48 5000. On est connecté aussi un petit peu partout sur l'Instagram aussi de Loving Fun. On fait une soirée spéciale follow back. Hein, tu me follow, je te follow. N'hésitez pas. Ça se passe sur le l'Instagram de Loving Fun, L-O-V-I-N. FUN et puis Alice c'est Alice-du-bas Fun Radio et moi c'est Karel Fun Radio pour nous follow. On va tout de suite retrouver Loïc, 22 ans du Mans. Bonsoir Loïc. Bonsoir, salut toute l'équipe. Bon, hey. Bonsoir Loïc, on parle depuis quelques minutes avec Alexandra, avec vous tous, des couples et notamment de celui ou celle qui fait passer une passion, un boulot, une famille, toute sa famille avant la relation. Hein, et c'est le, enfin voilà, à mon avis c'est le début de la fin dans une relation. Il y a encore des solutions bien sûr, hein, mais toi Loïc, qu'est-ce que tu as vécu ? Eh ben moi, en gros j'ai mon ex. Avec qui j'ai été resté pendant 6 mois, qui les 2 derniers mois a découvert la Zumba grâce à sa meilleure amie. Comment ? A découvert la Zumba. Zumba. Ah, la Zumba. Ah, la Zumba. Ah bah oui, ça. Ça pardonne pas. Bah moi j'ai donné un cours de Zumba une fois dans ma vie. N'importe quoi. Non, jure, c'est vrai. Mytho. Jure, en vacances au Maroc. J'étais avec un vrai prof de Zumba et il a vu que je me débrouillais bien et il m'a dit vas-y. Scène de film. Vas-y et tout. Non, je te jure, c'est vrai. Ça, non, mais de toute façon, moi j'ai le rythme dans la peau. Non, mais c'est évident. Pourquoi vous rigolez ? Non, mais... Je sais que Doc est jaloux parce que Doc pratique aussi la danse intensive. C'est vrai, Doc ? Pas la Zumba. Pas la Zumba. Mais tu sais quoi ? Alors vas-y, Loïc. Continue de nous parler de la passion de ta chérie donc qui pratiquait la Zumba de temps en temps, pardon. Et du coup, ouais, elle est devenue passionnée de ouf et genre elle faisait passer la Zumba devant tout. Genre on avait prévu un week-end ensemble et elle a dit non, tout qu'on fait non parce qu'on voit un truc de Zumba avec ma meilleure pote. Genre c'était insupportable et du coup j'ai décidé de la quitter au bout de 2 mois en fait. Ah ouais, t'es cash toi. Wow. T'as pas appris la Zumba. T'as pas attendu, tu lui as pas dit ça suffit, peut-être un peu moins. Bah, si, je lui ai dit. Laissez un peu de temps, bah 2 mois. Je lui ai mis l'ultimatum, mais elle m'a dit bah je choisirai la Zumba quoi. Genre, Zumba, c'est la Zumba, la Zumba ou moi. Non, je choisirai la Zumba. Non mais attends putain, mais comment c'est possible ça? Tous les deux vous êtes pas mal quand même. Elle est partie avec le danseur de Zumba. Bah je sais pas si c'est avec le danseur, mais déjà avec la danse. Non mais ça peut pas être une cause de rupture ça, la Zumba. Ça peut être une cause de rupture à partir du moment où tu demandes de choisir. Ouais. Moi franchement, si mon mec me demande de choisir entre une passion ou lui, j'aurais tendance à lui dire rien que pour avoir eu les, enfin rien que pour la connerie de poser cette question, je te choisis pas quoi. Notre auditeur du soir, Johan. Faut laisser un peu de temps. Tu vas dire ok, là c'est nouveau, je comprends, on va laisser passer un peu de temps, puis après ça va se calmer. Oui. Alors notre auditeur du soir, Johan. Ouais. Johan, qui est drag queen, qui pratique la Zumba, j'imagine. Hein? La Zumba, non, pas vraiment. Non, mais tout le monde sait faire la Zumba. Johan, est-ce que tu comprends, toi, qu'à un moment donné, dans ton couple, on te dise, écoute, chérie, c'est la Zumba ou c'est toi? Ouais, mais c'est pas avec la Zumba. Moi, mon mec, c'est justement avec le drag show, avec le théâtre. Ça l'énerve. C'est-à-dire qu'en fait, toi, ton mec, il veut te quitter parce que tu te produis en spectacle en étant une drag queen, c'est ça ? Exactement, en fait. Parce qu'en fait, ce qui l'agace, c'est que du coup, par exemple, pour la Saint-Valentin, il avait prévu une soirée en amoureux, etc. Sauf que le truc, c'est que on m'a proposé un booking pour animer une soirée. Du coup, j'ai annulé la soirée et donc ça l'a énervé. Mais plein de trucs comme ça, quoi. Ouais, mais ouais. C'est un symbole, la Saint-Valentin. Après, voilà, faut se dire, ok, cette année c'est comme ça, l'année prochaine je le ferai pas. Bon, faut aussi laisser quand même l'autre libre avec sa passion et son travail, parce qu'en plus, toi, c'est un boulot. Donc, voilà, c'est ça, c'est les deux, quoi. C'est à la fois une passion et un métier. Donc, en plus, je me suis mis à la création de mes propres vêtements et tout. Donc, il commence un peu à en avoir marre, quoi. Alors, normalement. Saint-Valentin, tu l'as fait le lendemain, et puis voilà. Oui, mais quand on est en couple, on est là pour soutenir l'autre, pour l'aider à avancer. Et c'est ça la base du couple, quoi. Je veux dire, quand t'es très amoureux de quelqu'un, t'as envie que la personne, elle réussisse. Donc, Johan, je peux comprendre aussi que tu sois un peu emmerdé, que, la personne qui vit avec toi ne t'accompagne pas dans ta démarche. Après, si ça prend trop de place, c'est toujours pareil. C'est comme pour Loïc Dumans. Toi, Alice, tu nous as dit qu'une fois dans... Ah, je veux savoir ça. Bah, en fait, je sortais avec c'est un quoi mec. La passion alors de ce Il avait la une passion radio. pour le airsoft en fait. Ah, tu sais genre tu voilà c'est quoi. Son ex avec le airsoft. Reconstitution en gros voilà de scènes de guerre et autres. T'as fait du airsoft Alice. Bah au début non. Et en fait, il avait une vraie passion pour ça et genre ça coûte hyper cher quoi quand t'es vraiment à fond dans ce genre de passion et tout et ça me gonflait parce que finalement au lieu de partir en week-end quelque part, ben c'était dépenser 500 balles dans un truc et puis oh bah j'ai plus l'argent pour partir en week-end donc je trouvais ça gonflant. Ouais. Et puis, en fait, je me suis mise un dilemme à moi-même. Je lui ai pas mise à lui, quoi. Et au final, je me suis acheté un treillis, un MP5, et j'ai tout défoncé dans la forêt. Ah, putain, voilà, tu t'es mis au airsoft, quoi. Ouais, je me suis mise au airsoft parce que bah j'ai eu envie de partager ce truc-là, et puis j'ai trouvé ça cool. Bon, j'ai morflé, mais c'était une bonne expérience. Non mais voilà, et alors, quand l'autre arrive à voilà à kiffer ta passion, alors là c'est le bonheur. Bien sûr, mais là tu l'as un peu fait presque par dépit, tu t'es un peu forcé. Bon finalement ça a marché. Ouais. Enfin ouais. Bon de toute façon j'avais quand même une âme de guerrière en moi, donc tu sais. Ah, bien sûr, Lara Croft. Je m'en doute pas. Comme ça ouais. J'ai toujours eu des tu vois une facilité à me mettre deux traits noirs sous les yeux et puis partir courir en forêt. Bon mais tu n'es plus avec. Non il m'a quitté cet enculé. Malgré le airsoft. Putain c'est fou ça. Ouais c'est vrai. On peut te quitter. Ah oui, tu vois bien. Jérémy, 23 ans d'Angoulême, est avec nous. Bonsoir Jérémy. Bonsoir à tous. Bonsoir Jérémy. Donc tu as pratiqué l'airsoft pendant plusieurs années, hein, puisque tu es militaire, Jérémy. C'est ça. Bon, toi, t'es à Angoulême et t'as un vrai dilemme, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. J'ai entendu Loïc, du coup, ouais. Avec la passion, le travail. Il est là, Loïc. C'est ça. J'ai vraiment un problème, moi, du coup. Mais vraiment, vraiment, là, je vous ai entendu. Donc, du coup, je me suis arrêté sur le bord à côté de la route. Bien sûr. J'ai ma copine. Qui me lance un ultimatum, donc c'est soit mon métier, soit elle. Donc elle me dit que du coup, elle veut pas faire d'enfants avec un militaire, qu'elle veut pas que je parte à l'étranger, que je vois pas mes enfants, que les enfants me voient pas. Donc je sais pas quoi faire. Donc quel enfer. Ça fait combien de temps que t'es avec ? Ça va faire 3 ans. Elle le sait depuis le premier jour que t'es militaire. Ah oui, elle le sait, ouais. Bon. Bon. Quand même, c'est pas la même chose. Puis elle te voit vivre depuis 3 ans, donc. Bah ouais, elle veut que j'arrête en fait de partir en OPEX, quoi, en opération extérieure. Oui, elle a peur pour toi. Hein. C'est tout le problème évidemment des épouses de militaires. Elle flippe, hein. Ouais. Elle flippe beaucoup. C'est très anxiogène. Alors, ce qu'on va faire, Jérémy, on va en parler dans un instant. Et j'aimerais bien d'ailleurs, s'il y a des femmes de militaires ou des militaires qui nous écoutent, comment est-ce que vous avez géré justement le rapport avec votre nana, votre mec? Parce que c'est pas évident, c'est sûr. Hein. Tu te poses pas mal de questions et en même temps, c'est toujours la même chose. Hein. Quand t'aimes quelqu'un, t'es prêt à tout accepter, quoi. On va en parler. Jérémy, t'es sur le bas-côté de la route? Ouais. Bon, alors je te rappelle que l'espérance de vie, elle est de 7 minutes. Hein. J'espère que t'es dans ton véhicule, là. Ah oui, je suis dans mon véhicule. Bon, et ouais. essaie quand même de te décaler, là. On revient avec Jérémy et vous tous après l'heure de Luxury. When I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, finding all my innocence, yeah. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, finding all my innocence, yeah. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, riding on my innocence, yeah. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, riding on my innocence, yeah. Incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in the six, you wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence, yeah. Cold Luxury et Body sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. 22h minuit. Sur Fun Radio. Dans toute la France et dans le monde entier avec l'application Fun Radio sur le site de funradio.fr. Je rappelle que nous sommes filmés également tous les soirs. Cette émission est en streaming sur le site de funradio.fr et Sisplay. Alors, je rappelle également que nous avons lancé la grande opération. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est chez vous que nous allons dormir. Alors peut-être pas dans votre maison, hein, parce qu'on est plutôt du genre à se payer un putain d'hôtel. Ouais, hein, c'est vrai. Mais les 48 heures Love in Fun, c'est de retour, je le rappelle. Il suffit de vous inscrire en envoyant un mail à loveinfun@funradio.fr. Les 48 heures Love in Fun, ça veut dire quoi, Alice ? Eh bien, tout simplement, on débarque pour 48 heures dans ta ville. On te paye le putain d'hôtel, parce qu'on n'est pas seul à en profiter. On fait des putains d'activités tous ensemble. Et puis voilà quoi, on va bouffer, c'est Kassim qui paye. On se fait kiffer pendant deux jours. Alors, c'est Kassim qui paye, il paye un repas. Ouais. Ça me revient cher quand même. Hein. C'est vrai. Non mais il paye un repas à nous, mais l'auditeur gagnant, il lui paye tout. Ouais. L'auditeur gagnant, justement, à chaque fois qu'on a fait les 48 heures Love in Fun, on avait tendance à être jaloux de toutes les personnes qui ont eu la chance d'être gagnants et qui avaient tout à l'œil quoi. Tu veux une glace, tu veux un truc à boire et tu veux manger des panini. Putain, c'est quoi cette histoire? C'est dingue. Hein. Alors, c'est vrai que là en plus, Doc viendra avec nous. Oui. Hein, et ça, alors, je vais te dire là, ça va nous rincer. Oh là là, il va payer. Doc va payer ses coûts. Ah, bah, quoi? Pardon. Tu paieras ton cul à Kassim, a priori, ouais. Doc. En tout cas, si vous voulez passer 48 heures avec nous, voyez ce que ça peut donner déjà 2 minutes avec nous. Hein, si vous voulez passer 48 heures, tout le monde annulé. Non, mais 48 heures Love in Fun, faut pas hésiter. Il suffit de nous envoyer un petit mail, loveinfun@funradio.fr. Et toutes les villes sont bien évidemment représentées, toutes les villes sont les bienvenues. On fera comment? On fera un petit tirage au sort, hein, c'est ouais, ça, bah, ça oui. Comme d'habitude. Et ben voilà, on va retrouver Jérémy, 23 ans d'Angoulême, avec un vrai dilemme. On parle justement depuis quelques minutes quand dans son couple, on fait passer parfois un métier avant sa relation. Alors Jérémy, toi tu es militaire, t'as 23 ans, t'es à Angoulême et tu viens de nous dire que t'avais un vrai dilemme par rapport à ta copine qui t'avait dit, écoute, c'est soit notre couple, soit ton boulot, mais tu dois choisir. Et toi, forcément, c'est compliqué. Je sais pas quoi choisir. Bon, Jérémy, elle savait que t'étais militaire avant que vous... Oui, elle savait, oui. Voilà, elle savait dans quoi elle s'embarquait aussi, tu vois. Ah bah oui, elle savait très bien. Vous en aviez parlé. Il y a un moment où ça avance, où t'as envie d'avoir des enfants, et évidemment que la future mère des enfants se pose la question que, bah oui, le père, il va pas être là, il va jamais les voir, il risque de se faire tuer en OPEX. Pas jamais, parce que du coup, pas souvent, quoi. C'est sa vision. Des opérations, quoi, mais bon. Justement, Jérémy, alors raconte-nous un petit peu, parce que c'est flou pour pas mal de personnes, ça. Quand on dit militaire, on s'imagine tout et n'importe quoi. Pour toi, ta vie de militaire, Jérémy, c'est quoi exactement au quotidien? C'est-à-dire, t'es combien de mois à la maison? Est-ce que parfois tu pars en mission pendant des mois et des mois et... Des fois, on peut partir en opération extérieure, 3, 4, 5 mois. Après, on est à la maison, après, on repart. On peut aller sur le territoire français pour défendre les citoyens français. Donc pendant un mois ou deux mois, ça va dépendre. Mmh. Et des fois, on est à la semaine à partir pour des exercices opérationnels. Et il y a des fois où il y a le bon côté des choses, où je suis un mois ou deux mois à la maison, quoi. D'accord. Mais c'est une vie particulière, ça c'est sûr. C'est ça. Et est-ce que... Comme des millions de Français, je me lève le matin, je vais au travail. Sauf que moi, je ne sais pas si je vais rentrer le soir. Oui. Comparé à certaines. Mais ça, elle le sait depuis toujours. Elle le sait depuis toujours. Et vous en avez parlé régulièrement ou ça n'est que maintenant là qu'elle se réveille avec l'ultimatum? Régulièrement, elle me le disait quoi, mais je me suis dit bon, parce que c'est que je pars quoi, donc elle a peur. Mais là, elle m'a vraiment posé un ultimatum, elle dit c'est soit ton travail, soit c'est moi. Non, mais c'est pas bien, on peut pas faire un choix pareil, hein, c'est beaucoup trop lourd comme choix. C'est ton travail ou moi? Je l'aime mon travail et moi je l'aime aussi elle, donc. Alors justement. Bien sûr, c'est toi. Donc, c'est ça. Jérémy, on a Tristan qui nous appelle. Il est comme toi, il est militaire et lui, il a mis les choses au clair, mais direct. Ah bonsoir, ouais. Bonsoir Tristan. Bonsoir Karel, bonsoir Alice et bonsoir les docs. Salut. Bonsoir Tristan, quel est ton grade s'il te plaît? Je suis sergent-chef. Ok, sergent-chef, caporal Karel. Pour rapport. Tu vas me faire ton lit au carré, toi tu vas fermer ta gueule, troufion. Ok chef, oui chef. Okay. Ouais, c'est bien. Alors Tristan, mise en situation, nous sommes comédiens. Hein, L'impro. L'impro, voilà. Tristan, pardon, on t'écoute. Ok, donc moi écoute, c'était pour dire que je suis militaire aussi, et dès que j'ai commencé à voir la fille avec qui je suis actuellement, je lui ai dit dès le début donc que j'étais militaire, que j'étais absent toute la semaine parce que la base où je suis, elle est assez éloignée de l'endroit où j'habite, parce que j'habite Bourg-en-Bresse et ma base elle est à Orange dans le sud, donc je lui ai dit que j'étais pas là toute la semaine, qu'on se verrait que les week-ends et que ce serait comme ça, et que j'étais aussi amené à partir en opération extérieure, et j'étais amené à partir plusieurs mois, donc de là elle m'a dit on va voir si ça colle et puis tout ça, puis ça a collé, puis là on est toujours en couple et on a un appartement ensemble, et puis je suis célibataire géographique, donc je remonte tous les week-ends chez moi. Est-ce que t'as des questions à poser, Jérémy? Profite à Tristan, justement. Moi justement elle le sait tout ça, elle le sait, mais je sais pas, quand je pars elle est cool, gentille, puis après quand je reviens c'est directement le dilemme quoi, c'est soit moi soit le travail quoi, donc c'est pour ça que je comprends pas du coup. Et quand tu pars en opération extérieure, est-ce que je sais que j'ai des collègues moi qui faisaient ça en opération parce que avec leur copine ou autre, est-ce que tu t'essaies de l'appeler un maximum, est-ce que tu lui as fait envoyer des fleurs ou ah non par contre non j'en vois pas, mais sinon ouais je l'ai au téléphone régulièrement quoi, quand on peut quoi, tu sais ce qu'elle est, et t'es rassurant avec elle, est-ce que tu parles de choses qui se passent là-bas ou est-ce que tu restes vachement... je reste flou là-dessus par contre je reste flou quoi, mais c'est vrai que je lui dis les choses quoi, je lui dis que je vais bien, tout se passe bien, voilà quoi, que je vais bientôt rentrer, ça va bien se passer, mais je sais pas ce qu'elle a. C'est vrai que c'est délicat parce que je pense qu'elle devrait pas avoir à te poser un ultimatum comme ça. À partir du moment où elle est sortie avec toi, où t'étais déjà militaire et que tu lui as clairement dit les choses, elle savait clairement dans quoi elle mettait les pieds. Ouais. Et que maintenant elle te pose cet ultimatum là au bout de 3 ans que vous êtes ensemble. Enfin, surtout qu'on sait très bien que c'est un métier qui peut être très prenant. Il y a des gens qui adorent à fond ce métier et qui peut être amené à être plus fan de ce métier que d'autres personnes dans d'autres métiers par exemple. Parce que c'est vraiment un métier prenant. Et c'est vrai que ça doit être délicat pour toi, mais je pense que dans les arguments, il y a peut-être une chose que tu peux lui dire. De toute façon, faut rediscuter avec elle, hein. Ça c'est sûr. Et peut-être lui dire, écoute, j'entends bien ce que tu me dis. Je sens que t'as peur pour moi, t'as peur de me perdre, t'as peur que il se passe quelque chose en opération, t'as peur aussi que je m'occupe pas beaucoup des enfants. Tout ça, je l'entends. Hein. Mais en attendant, pour l'instant, il y a le travail. C'est aussi ce qui nous fait vivre en partie, déjà. Premièrement. Deuxièmement, c'est ma passion. J'aime vraiment ça, et ça, tu le sais. Troisièmement, c'est effectivement de garder le lien le plus possible quand t'es en opération, comme le dit l'auditeur. C'est sûr. Mais ça va pas régler son angoisse de te perdre, qu'il arrive un accident et que tu t'occupes pas des enfants. Donc peut-être que l'idée c'est de lui dire, écoute, on peut peut-être remettre ça à plus tard, pour l'instant je suis encore dans ce travail-là, on verra comment je l'aménage, pas tout de suite, parce que de toute façon faut du temps, peut-être que je pourrais trouver un poste où ça sera plus près, où je partirai moins longtemps, mais pas tout de suite, peut-être dans un certain temps, voilà, plus tard. Et puis peut-être que pour les enfants c'est la même chose, on peut peut-être aussi attendre, la question se pose pas là tout de suite maintenant, on attendra que j'ai une autre situation et que j'ai un peu changé ça, mais il faut te laisser du temps pour que tu mettes des choses en place. Mais il faut la préserver aussi, parce que je serais à sa place, je le vivrais carrément mal. Et je comprends qu'elle te laisse partir avec le sourire, mais que quand tu reviennes, elle te fasse la gueule, parce qu'en fait, ça a été hyper dur tout ce temps sans toi. Donc certes, toi, tu vis ta passion et c'est l'idée que tu te fais de ta vie professionnelle, mais elle, c'est peut-être plus l'idée qu'elle se fait de sa vie de couple. Et surtout maintenant, quand vous pensez avoir des enfants, vous pensez à ce genre de choses. Donc certes, elle était prête à accepter au début, mais c'est compréhensible qu'avec les années, tu te fasses une autre image de l'évolution et de la suite de ta vie, quoi. Donc à toi de savoir ce que tu veux vraiment aussi avec elle. Est-ce que toi, t'as envie d'avoir une vie de famille et d'être loin? Si vraiment ton métier passe avant tout... C'est ça, je veux vraiment... Le problème, c'est que je veux avoir ma famille, je veux défendre mon pays, je veux avoir les valeurs, transmettre les valeurs à mes enfants. Et ce sera peut-être pas avec elle, parce que tu peux pas la forcer à avoir ce genre de vie, elle. Parce qu'elle se rendrait peut-être pas compte au début que ça allait être si dur, tu vois. Je veux progresser, quoi. Je veux faire ça toute ma vie, quoi. Oui, peut-être pas dans ces conditions-là, il y a peut-être d'autres conditions, après il faut te laisser un peu de temps pour ça aussi, il faut en rediscuter avec elle, voir si un compromis est possible, ou s'il n'y en a pas. Si malheureusement, effectivement, va que dans une voie qui est « non mais de toute façon je ne changerai pas, et la façon de le faire aujourd'hui, ça sera ça, voire peut-être même plus », et que elle a ses angoisses certainement, notamment de te perdre par exemple. Sais, quand tu vis tous les jours avec la distance en te disant « bah peut-être qu'aujourd'hui il va pas m'appeler parce qu'il est mort », au bout d'un moment, c'est chiant, c'est lourd, c'est très très lourd. Et oui. Voilà. Forcément. C'est pour ça qu'elle te fait la gueule aussi. Alors, il y a certainement le fait que tu sois pas là tous les jours, mais il y a aussi, elle, ce qu'elle encaisse comme angoisse, quoi. C'est aujourd'hui, je vais peut-être le perdre. Il y a plein de choses, en tout cas, Jérémy, il faut que, voilà, tu aies une bonne discussion avec elle aussi pour remettre les choses peut-être à plat, et soit pour partir dans une direction, soit décider de s'arrêter, hein, Jérémy. Ouais. Peut-être que ce boulot nécessite que tu sois célibataire un moment, c'est possible. Salut Jérémy, bon courage à toi. Je vous remercie à tous. Il n'y a pas de problème. Merci. Salut Poto, je remercie également Tristan Caporal, sergent-chef, hein, Tristan. C'est ça. Eh ben merci beaucoup à toi Tristan. Tu reviens quand tu veux, toi. Aussi. Merci à vous pour vos émissions, elles sont super. Je vous écoute tous les dimanches soirs en redescendant en voiture, ouais. Et aussi, on a vraiment plaisir à vous écouter. Merci beaucoup Tristan. Prends salut. Salut, gros allez, bisous. Bonne soirée, tout le monde. Salut. Salut. Ciao. Non, c'est vrai. Moi j'aime bien les émissions. Tu sais, je rentre le soir et tout, je me dis ah c'est cool. Oh, peut-être pas tous les soirs. Ah ça dépend. Ah pas quand il y a. Enfin non. Dans un instant l'examen sur Fun Radio avec Guillaume 20 ans de La Rochelle. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Salut. Et Guillaume, t'es encore picolé toi? Hein? Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Et Augustin aussi, 18 ans de Nantes. Salut Augustin. Ouais. Salut tout le monde. Salut Augustin, vous allez passer l'examen dans un instant. Vous restez bien avec nous. Et on va écouter Major Lazer avec Blow That Smoke sur Fun Radio. C'est Love in Fun jusqu'à minuit. Merci d'être là. Some up in that life potion. Close my head for you. Countless times we catch the sunrise. Fix some scars we share with white lights. Close my head for you. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. Major Lazer sur Fun Radio. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais je crois bien que c'est une question à la con qui nous attend là maintenant sur Fun Radio. Dans toute la France, nous accueillons Thibaut, 23 ans de Rodez. Bonsoir Thibaut. Hey, salut, comment ça va? J'adore ce petit hey Thibaut. Hey Alice. Hey Doc. Hey. Ça va Thibaut? Hey, ben ça va. Eh bien, bienvenue dans la communauté des hey. Alors Thibaut, tu nous appelles ce soir pour nous poser une petite question à la con. Oui, parce que regarde, bon, Alice, c'est peut-être pas son cas, mais pourquoi les filles ont les cheveux lisses? D'accord. Mais pourquoi en bas au niveau de la chatte, ben c'est bouclé? Ah putain, je savais pas où est-ce qu'il voulait nous emmener. Mais alors Alice, tu peux peut-être nous dire, alors c'est vrai qu'en ce moment c'est pas lisse chez Alice. Ah mais cheveux tu veux dire. Tes cheveux bien sûr, puisque je n'ai jamais été voir en bas, malgré le fait que j'aimerais bien un jour. Il a souvent essayé. Mais Thibaut pose une bonne question, est-ce que quand c'est lisse au-dessus, c'est frisé en dessous? Bah écoute, en fait moi, pour être honnête, j'ai jamais connu mon maillot avec des poils en fait. C'est pas vrai. C'est-à-dire que dès le début, très rapidement, quand j'ai eu des poils, je les ai assez rapidement enlevé. Ah mon Dieu, des poils. Mais c'est vrai que c'est vrai que je veux dire, pour avoir vu plus d'une touffe, et c'est quand même pareil pour les mecs aussi quand même, hein. Pilophobe. C'est la même chose. Les poils sont en général frisés quoi. Bah oui, non mais les... Non, moi je les lisse. Tu les lisses. Attends, faut que je m'enlève les poils. Oh putain, j'en ai partout. Mais c'est pareil sur tout le corps de toute façon, le torse et tout, ça les ça... poils pubiens. Oh, les, les poils pubiens, ils sont frisés, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, les garçons aussi, ils ont des cheveux qui peuvent être lisses. Ils n'ont pas les cheveux frisés sur la tête. Alors moi, je suis tout frisé du bas, hein, perso. Non, c'est vrai, les poils plus bien, c'est. Ah, bien sûr, moi, je suis tout frisé. Hein, hein Thibaut, t'es frisé, toi, ou pas? Frisé du bas. Moi, je lis lisse. Ah oui, je lis lisse. Non, mais je te parle de tes poils de teub, là. Tu lisses tes poils. Tu lisses tes poils de teub? Bah oui, je leur fais une petite crête. Bien sûr, Avec un fer à lisser. Très bien. Bon, bah Thibaut, on va te passer des urgentistes au téléphone, d'accord? Qui vont s'occuper de toi. D'accord, il n'y a pas de problème. Il dit pas non en plus, reste calme. Merci beaucoup, mon Thibaut, tu reviens quand tu veux. Salut. D'accord, salut. Hey, gros bisous à toi. On se fait l'examen là? Non, on me dit non. On se fait l'examen dans un instant. Guillaume, 20 ans de La Rochelle, t'es là, Guillaume? Toujours là. Eh ben, va falloir patienter, parce que Cassim a décidé qu'on ferait l'examen dans un instant. Augustin, 18 ans de Nantes, toujours là? Ouais, t'inquiète. Bon, et Augustin, j'espère que tu vas gagner parce que t'es mon favori ce soir. C'est parce que tu fais du Nantes, c'est ça? Non, mais la Loire-Atlantique, j'adore. Voilà. Non, c'est les Charentais les meilleurs. Non, ouais. C'est vrai que c'est un combat fratricide. Oh, c'est pas facile à dire, ça. Fratricide entre La Rochelle et Nantes dans un instant sur Fun Radio. Restez bien avec nous. L'examen tous les soirs pour gagner un magnifique diplôme. Restez avec nous, on revient avec Z et Happy Now. On est tellement fiers de nos cadeaux. À tout de suite. Suivez Love in Fun en stream vidéo sur funradio.fr. Nouveau son dans la playlist Fun Radio. Sound of Legend. Benny Blanco. Les meilleures nouveautés démarrent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Concession BMW, 10h12. Ici, vous avez la série 5. Ok, j'achète. 11h16. Je vous présente notre superbe BMW. C'est bon, je la prends. 13h02. Pour découvrir le plaisir de conduire. Oui, mais elle est pour moi. Pas de temps à perdre. Jusqu'au 21 novembre, ce sont les BMW Speed Dating. Craquez pour les offres coup de cœur de votre concessionnaire, comme la BMW série 5 de direction à moins 16 000 euros par rapport au prix du neuf. Offre dans la limite des voitures de direction disponibles dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmwspeeddating.fr. Écoutez Fun Radio partout dans le monde sur funradio.fr. I heard you tonight, like a line of a melody. Yeah, I heard you tonight. So I'll toast to the times, played out in a cemetery. Yeah, I'll toast to the times. Cause I'm falling for every sign, calling out for you, calling out for me, chasing the sounds till I have you by my side. Calling out for you. calling out for you, calling out for me, till we rewind. You'll be my sad song, got you on repeat, play my sad song into the night. You'll be my sad song, hardest to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. Some say love never dies, but a bullet went into me and I lost every fight. One more drink for the ride, put me out of my misery and I'll fall to the fire. Cause I'm falling for every sign, calling out for you, calling out for me, chasing the sounds till I have you by my side. Calling out for you, calling out for me, till we rewind. You'll be my sad song, got you on repeat, play my sad song into the night. You'll be my sad song, hardest to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. On the line. Some say love never dies, but a bullet went into me and I lost every fight. One more drink for the ride, put me out of my misery and I'll fall to the fire. Cause I'm falling for every sign, calling out for you, calling out for me, chasing the sounds till I have you by my side. Calling out for you, calling out for me, till we rewind. You'll be my sad song, got you on repeat, play my sad song into the night. You'll be my sad song, hardest to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. De 22h à minuit, 0 42 48 5000, avec Karel, Alice et Doc Pavageau sur Fun Radio. Merci d'être avec nous tous les soirs du dimanche au jeudi, 22h minuit. On est en train de se faire une petite soirée bonbon, Haribo Pic. Hein, je le dis parce qu'on est filmé, Alice. Tout se voit. Ça hein va. Non, mais bien sûr. Alors je pointe du doigt Alice, mais Doc n'a pas démérité. Hein, c'est proposition de Kassim. Ouais. Ça fait plaisir, Kassim, que tu penses à nous. Ah bah oui, bah c'est normal. Hein. Ah, tu vois, il y a Coco qui t'applaudit. Ouais. Coco du standard. Vous êtes ma famille un peu. Eh bah voilà, ça fait plaisir. On est avec Johan, notre auditeur du soir. Johan, 25 ans de Paris. Tout va bien, Johan ? Ouais, bah ouais, toujours, nickel. Alors, tu voulais qu'on parle d'un sujet très intéressant en plus. Est-ce que vous continuez de vous masturber alors que vous êtes en couple, hein ? Et surtout, est-ce que bah, vous êtes déjà pris la tête à cause de ça ? Parce que je sais qu'il y en a qui ne supportent pas que leur mec ou leur copine puisse prendre du plaisir en solitaire. Alors que, franchement... Ça pose pas de problème. Bah voilà. Ça devrait pas. C'est un médecin sexologue qui vous le dit. Johan, on en parlera avec toi parce que t'as déjà vécu ça, toi. Hein. Exactement, avec mon copain, justement. Eh bah, ben, restez bien avec nous et n'hésitez pas à réagir au 01 42 48 5000. En attendant, c'est l'examen. Interro surprise ! Passe ton examen dans Lovin' Fun sur Fun Radio. Et c'est tendu ce soir puisque c'est La Rochelle face à Nantes. Bonsoir Guillaume, 20 ans de La Rochelle. Bonsoir, ici c'est La Rochelle. Salut. Ça, Guillaume. Hey, salut. Désolé Guillaume, j'ai l'impression, tu sais, du mec qui revient de la pêche. Hein, qui revient de la pêche et qui nous dit bonsoir. Guillaume, tu fais quoi dans la vie, toi ? Alors, je suis chauffeur de machines agricoles. Chauffeur de machines agricoles. Eh ben, ça fait plaisir. Et vos turbinets, là, en ce moment. Ouais. Ah, c'est vrai, il y a beaucoup d'agriculteurs, parce que moi j'habite à la campagne. Donc je les vois le soir labourer les champs. Bonsoir Augustin, 18 ans de Nantes. Salut tout le monde, salut. Salut Augustin, t'es en bisbille, qu'est-ce que tu fais là ce soir en écoutant dans mon lit. Posé dans ton lit. Ouais. Alors, on parlera de la masturbation dans un instant, Augustin. Non, t'inquiète. D'accord. Alors, Augustin, quel est ton buzzer ce soir, Augustin ? Pas cochère. Ok. Guillaume, c'est quoi ton buzzer, toi ? Vous êtes pas prêt. C'est René la taupe. Ah, mais tu sais quoi ? Ça ne m'étonne pas de toi, Guillaume. Ça, eh ben, il te colle à merveille. C'est parti, je rappelle, il y a plusieurs questions. Il y en a 7 au total. Voilà. On va voir si vous êtes assez fort pour gagner votre diplôme Love in Fun ainsi que le méga gigapack Love in Fun. Première question, quelles sont les personnes qui se masturbent le plus, les célibataires ou les personnes en couple ? Facochère. On est la taupe. Je t'écoute, Facochère, Augustin ? Les personnes célibataires. Guillaume, droit de réponse ? Les personnes en couple. Bravo Guillaume ! Bravo. Magnifique. Et Guillaume, il est content ? Alors qu'il avait forcément la bonne réponse. On y va pour une nouvelle question. Parmi ces propositions, quel aliment est le plus utilisé comme sextoy ? Le radis, la carotte ou le melon ? René la taupe. René la taupe, hein, toujours à fond sur les sextoys. Guillaume, on t'écoute. Je dirais la carotte. Très bonne réponse. Tu pratiques d'ailleurs la carotte dans l'anus peut-être, Guillaume ? Non. Jamais, tu l'as peut-être inséré dans un anus ? Non. Allez Guillaume, dis la vérité, toi qui es agriculteur justement, hein ? Non, je ne suis pas de ce... Et dans ton potager, forcément, t'as des grosses carottes. Non, ne m'emmène pas sur ce terrain boueux. Bon, on continue avec une nouvelle question. Le prénom de la dernière personne avec qui vous avez fait l'amour ? Facochère. Oui, nous t'écoutons, Facochère Augustin. Laurine, alors c'était bien ? Bah pourquoi tu mets le nom ? Parce qu'en fait, je le connais et c'est pas Laurine, elle s'appelle Estelle. Ah, Kassim, Kassim te dit mytho. Ah bah oui. Non mais oui, c'est un mytho, oui. Bon, Augustin. Bon, Kassim fait son intéressant. Hein. Il se rattrape comme il peut. Ouais. Mais c'est un point pour toi. Et c'était bien avec Laurine ou pas alors ? Ah, de ouf, ouais, carrément. Ouais, vous avez fait quoi tous les deux ? Vous en êtes où sexuellement ? Je vais pas raconter des détails, mais c'était bien. Non, ok, d'accord. Bah, c'est, ouais. Voilà, du respect, y a pas de problème. Ouais. On continue, on aurait bien aimé savoir quand même. Qu'est-ce que la formicophilie ? Est-ce que c'est avoir peur des fourmis ? Être excité par les fourmis ? Ou se prendre pour une fourmi ? On est à top ! On t'écoute, Guillaume. J'irai excité par les fourmis. Absolument, tu es formicophile peut-être ? Pas du tout. Allez, arrête. Après la carotte, tu vas pas me la faire. Hein ? Non. Et la fourmi sur la carotte, qu'est-ce qu'elle fait ? Non. La formicophilie est l'intérêt sexuel envers de petits insectes ou l'idée d'avoir des vers qui rampent sur son corps. Ok. Ouais. C'est horrible ça. C'est des pratiques sexuelles. Mais non. Si, il y a des gens qui aiment. Existe, hein, oui. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est le principe d'avoir des insectes. Ouais, c'est ça, des insectes qui se baladent sur ton corps, des vers, des escargots, des limaces, et une particularité pour les fourmis. D'accord. Et ça te fait bander. Enfin, pas t'exciter. Moi personnellement, mais oui. Bien sûr. Nouvelle question, mais d'abord un petit récap des points, Alice. Alors, on est sur 3 points pour Guillaume et un seul pour Augustin. Merci, Alice. Je t'en prie. On y va pour une nouvelle question. Tu peux encore te rattraper. Vrai ou faux ? Il est possible d'avoir peur d'un pénis en érection. René la taupe. René la taupe. Guillaume. Je dirais vrai. La crainte d'avoir, de voir ou de penser à une érection est appelée lithylapholophobie. Voilà. Hein, c'est même pas ça. Lithyphalophobie. Voilà. Putain, et c'est quoi ce truc là ? Merde ! Putain, nouvelle question. Vous me faites check cette question. J'arrête l'examen. Avec formicophilie. Si vous n'aimez pas l'examen, ne vous inquiétez pas. On va l'arrêter. Ça nous prend un temps monstre à préparer. Hein, et puis, on veut pas toujours faire les mêmes questions. Donc, on cherche. Ah oui. Le pénis d'un gorille mesure environ 5 cm, 15 cm ou 30 cm. René la taupe. Ah, c'est compliqué, mais c'est Guillaume, encore une fois. Hein. René la taupe. Non. Ah, si. J'irai 5. Ah, putain, il est fort en plus, ce con. Bravo, Guillaume. Ça fait combien, Alice, là ? Ah, bah, on est à 5-1 pour Guillaume. Bah, c'est. Ça y est. C'est sans appel. C'est une victoire de Guillaume ce soir. Oh non ! Bravo Guillaume. Bravo Guillaume. l'avais dit, hein. Les Charentais, c'est les meilleurs. Hein. Sans appel. Pas donné gagnant. Hein. Sans appel ce soir pour toi, Guillaume. Bravo, félicitations. Est-ce que tu veux dédier cette victoire à quelqu'un en particulier? Oui, je voudrais passer une dédicace. Ok. À tous mes potes, toute ma famille qui sont en train de m'écouter à ce moment-là. Voilà, et n'oubliez pas que Guillaume aime les carottes dans l'anus. Il non, nous l'a dit. Putain, mais non, mais... Et il est formicophile. Il adore se masturber avec des fourmis sur ses bras. Non, mais non. Ah, et au fait, j'ai une petite chanson pour Alice. Ah, une petite chanson. Coupe tout, Kassim, une petite chanson. Guillaume, d'abord, on t'encourage. La chanson. Allez, vas-y, Guillaume. Alice glisse au pays des merveilles. Merci beaucoup. Merci. Il la connaît même pas. Dis donc, hey, Guillaume. Ouais. Tu connais la chaîne Malaise Radio? Comment? La chaîne Malaise Radio. Non. C'est pas grave. Dans un instant sur Fun Radio, on sera avec beaucoup beaucoup de réactions au 01 42 48 5000. Johan, t'es là mon poulet? Ouais, je suis là. Dis donc, c'est la fête à côté de chez toi là, Johan. Bah, je suis content d'être sur le Vinfun, c'est pour ça. Ah ben, ça fait plaisir aussi. Johan, dans un instant, on va parler justement d'être en couple et de continuer de se masturber. Hein, parce que toi, tu l'as mal vécu. Exactement. Ben, malheureusement, mon copain, je l'ai surpris en train de se branler et ça m'a énervé, on s'est pris la tête. D'accord, et bah tu bouges pas, on en parle dans un instant. Il y a beaucoup de réactions qui vont arriver aussi. 01 42 48 5000 et c'est le son de Z, Happy Now sur Fun Radio. You're a world away, somewhere in the crowd, in a foreign place. Are you happy now? There's nothing left to say. So I shut my mouth. So won't you tell me, babe? Are you happy? You're the only one who can up and run. Leave me just as empty as the day you came. You hold all the cards, all the broken hearts, strung over your shoulder till it's all in vain. And only you know the strength in your teeth, the washing the weight of your pockets so deep. Happy Now sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. De 22h à minuit sur Fun Radio. Et je rappelle que vous pouvez réécouter les émissions directement depuis l'application Fun Radio. Si vous ratez une émission, je sais aussi qu'il y en a beaucoup. Parfois, l'émission est un petit peu tard pour certains d'entre vous. Donc, il y en a qui nous écoutent le matin, il y en a qui nous écoutent l'après-midi. En tout cas, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes tous les bienvenus ici. Vous savez que, bah voilà, vous avez un espace de liberté où vous pouvez venir vous exprimer. On vous écoute. On est là aussi pour essayer de trouver des solutions avec vous, avec Alice, avec Doc, médecin, sexologue. 01 42 48 5000. On est depuis le début de l'émission avec notre auditeur du soir qui s'appelle Johan, qui s'appelle Vega Trash X, la drag queen, quand elle se produit sur scène. Et Johan, tu vas nous parler, puisque tu as souhaité le faire ici à l'antenne, de masturbation et de couple. Et parfois, pratiquer la masturbation, ça peut foutre la merde dans un couple. C'est ce qui t'est arrivé, toi, Johan? Bah ouais, exactement. Bah, c'était le week-end dernier. Mon copain était venu dormir à la maison. Et voilà, je me lève pour aller aux toilettes, quoi, normal. Ouais. Et je l'ai vu sur les chiottes en train de se branler. D'accord. Ah ouais, voilà. Une petite branlette matinale. Mais sur les chiottes. C'est-à-dire, il allait se branler dans le truc et tout. Ouais, bah ouais. Et il s'est assis dessus et puis se tapait une queue, quoi, normal. Ah d'accord. Ah ouais, ouais. Ok. C'est dégueulasse, ouais. Non? Le gland grossit, le gland colle à la cuvette des chiottes, c'est évident. Ouais, bah il a tout nettoyé après. Hein. D'accord. Et alors, comment tu l'as vécu? Bah très mal, je me suis énervé parce que voilà, déjà il dort à la maison, donc je pense pouvoir le satisfaire sexuellement, donc j'ai très mal pris de ce côté-là. Et puis voilà, ça, je comprends pas qu'il fasse ça, quoi. Il y avait eu un rapport sexuel entre vous avant? Bah oui. Donc, je sais pas, est-ce qu'il a un souci ou quoi? Est-ce qu'il fait ça souvent? Il a pas voulu me répondre. Alors, est-ce qu'il a un souci? C'est pas un souci de se masturber. C'est pas un souci. Non, j'ai pas dit que c'était un souci, voilà, sachant que il vient de se vider, enfin voilà quoi. Bah, et ça n'est pas du tout parce que tu ne le satisfais pas. C'est pas du tout le même plaisir. C'est un plaisir personnel. Ça peut être aussi, justement, chez certains hommes, parce qu'ils ont eu un premier rapport sexuel qui a été satisfaisant, que ça stimule l'envie. Et qu'il faut aller justement se débarrasser de cette envie en prenant un plaisir qui est tout à fait personnel. Faut vraiment pas mettre les deux choses sur le même niveau et puis dire moi je suis là pour te satisfaire. Bah c'est pas la même chose de toute manière et puis il faut pas comparer et faut pas vouloir dire bah écoute tu dois arrêter de te masturber quand t'es avec moi non plus. Alors on va pas de choix à faire. On va en parler avec beaucoup de réactions. Moi je comprends tout ce que tu dis Doc et je suis complètement d'accord avec toi. Julie nous rejoint, 24 ans de Nice. Bonsoir Julie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Salut. Julie. Alors je sais que pour certaines personnes, de savoir que quelqu'un peut se masturber alors que t'es avec cette personne, ça peut foutre la merde. Hein. Mais de ouf. Hein. Genre, il y en a qui considèrent que se masturber, c'est tromper. Surtout sur des vidéos genre « Oh, tu t'es branlé sur des autres meufs », c'est le truc comme ça qui, en général, ne plaît pas énormément. Grave. Moi, j'essaie de faire ça toujours très discrètement. Julie, est-ce que t'as déjà pratiqué, toi, ce truc-là? Ou est-ce que t'as déjà grillé ton mec en train de se branler? Comment est-ce que tu vis ça? Nous, il n'y a pas de tabou. Moi, je me masturbe. Ouais, lui, tranquille. Il branle. Il n'y a pas de souci, hein. Et de temps en temps, c'est lui qui te masturbe et c'est toi qui le branle. Voilà, c'est ça. Mais même, on l'a déjà fait des fois en étant l'un à côté de l'autre. On a même déjà regardé un film un peu porno et puis pour se donner un petit peu, pour changer en fait. Mais c'est pas, j'entendais là, il a l'impression que c'est comme si on trompait. Je suis pas d'accord. Et des fois, on se masturbe tout seul, mais en pensant des fois à son compagnon. Ouais, et c'est pas parce qu'on regarde un film ou autre que ça y est, on est en train de fantasmer sur la personne. C'est la situation, c'est pas l'acteur ou la personne, c'est juste la situation en fait qui fait que ça peut exciter. Mais moi j'ai déjà vu aussi où des fois il joue à la console. Bon bah de mon côté j'ai une envie, hop, ouf, mais ça empêche pas qu'après il s'occupe de moi quand même quoi. Oui, ça peut stimuler aussi sa propre libido de toute façon. Donc, Et puis des fois, il faut dire aussi, les filles, c'est un petit peu compliqué quand même. Donc, on connaît mieux notre chat que les hommes. Donc, on sait exactement. Julie, c'est pareil pour la masturbation. Hein, tous les hommes disent fréquemment quand même que, évidemment, leur main, elle est nettement plus adaptée à toute petite pression. On sait exactement comment la tenir. Enfin, voilà. Oui, donc des fois c'est nous qui l'autre qui commence et puis c'est nous qui achevons parce que on sait exactement. Oui, mais alors si t'as une excellente communication avec la personne avec qui tu vis et que tu lui dis tout et que tu lui apprends la super branlette, Eh ben franchement, c'est quand même mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui te le fait plutôt que toi-même. Moi, je trouve. Oui, il faut y arriver. Il faut l'apprendre à l'autre. Pression du périnée. Mais c'est masturbation. Vrai que des fois, c'est un peu. Alors, c'est vrai que des fois, quand il te dit bah, fais comme ci, fais comme ça, on a l'impression d'être. Enfin, on aimerait bien savoir le faire direct sans qu'on nous le conseille. Quoi. Ah, mais bon, bah, après, oui, si c'est pour. Ça s'apprend. C'est ta petite fierté personnelle, en fait, qui est touchée, mais en fait, bon. La sexualité, c'est pas inné, ça s'apprend. Alors, Johan. Johan, tu entends ce que dit Julie? Elle a raison. Je veux dire, ton mec, il se branle dans les chiottes. C'est pas très grave. Ça se trouve, il était en train de penser à toi. Hein, et Ouais, ça se trouve, mais ça me fait bizarre que, sachant qu'on l'a fait, d'un coup, je le vois comme ça. Comprendre qu'il en ait besoin, mais je sais pas, je me suis senti comme si je le satisfaisais pas. Quoi. Mais voilà, c'est ça. Tout de suite, tu le prends pour toi. Faut pas le prendre d'une manière personnelle. Hein, c'est autre chose à côté. Ça veut pas du tout dire qu'il est pas satisfait. Donc, ce qui peut être pas mal, c'est effectivement de le faire tous les deux ensemble, côte à côte, parce que ça permet un vrai moment d'intimité en regardant l'autre faire et en pénétrant sa propre intimité. Et c'est souvent quelque chose qui est pas mal dans un couple, ce que beaucoup de couples ne font pas. Se masturber chacun, l'un, voilà, soi-même, hein, mais côte à côte. Allez, n'hésitez pas à pratiquer, en nous écoutant, bien sûr. Quentin, 27 ans de Nantes, est avec nous. Bonsoir, Quentin. Bonsoir tout le monde. Salut. Salut Quentin. Alors, bienvenue dans Love in Fun. Quentin, est-ce que tu te sens concerné par un exemple en particulier, là? Qu'est-ce qui te parle, toi, là-dedans? Alors, bon, il y a un peu de mélange des deux, mais moi, le problème, c'est qu'on dit que tout sortir est une drogue. Si la branlette en serait une, ce serait vraiment ma drogue. Moi, je le fais le matin, midi et soir. Bah, bravo. Voilà. Ouais. Superbe. Écoute, il y a quelques fans ici dans le public qui pratiquent branlette matin, midi et soir. Ah oui. Parce que je pense que c'est un plaisir qui est génial. Le matin, vous vous levez, vous faites une branlette. Franchement, ça vous réveille nickel. C'est comme prendre un café. Ouais, c'est vrai. Et le soir, avant de dormir, franchement, c'est terrible. Mais voilà. Mais le souci, c'est que bon, après, ça m'arrive de le faire devant un porno, et ça, ma copine, elle est pas fan parce que c'est comme la tromper. Bon, c'est son point de vue, je peux le respecter. Le problème, c'est que à force d'en regarder et à force de se branler, le problème, c'est que quand on fait l'amour, là, par contre, j'ai plus rien, quoi. Ça va être bien pour les 5 premières minutes. Après, je vais carrément débander et je suis obligé de penser à un porno pour me refaire bander direct. C'est le souci de la masturbation. Voilà, c'est le souci de la masturbation. S'il y a éjaculation, l'idée dans ce cas-là, c'est de se masturber sans éjaculer. Comme ça, tu vas augmenter le désir. Et donc, au moment où tu vas retrouver ta copine, eh ben, ça se passera bien. Voilà, donc tu te branles le matin, midi et soir, mais tu vas pas jusqu'au bout. Ah d'accord, ok. Et ouais, ça marche. Mais malheureusement, le seul plaisir, c'est quand on arrive au bout, quoi. Donc, mais non, ça prend aussi. C'est la même chose. On prend du plaisir et on apprend à prendre du plaisir pendant toute la masturbation, juste, il n'y a pas ça à la fin. Mais c'est ça, ou sinon, c'est évident que si tu as 3 masturbations par jour avec 3 éjaculations, c'est sûr que ton désir, il va être faible quand tu vas retrouver ta copine. C'est normal. Ça. Ouais, je comprends. Et oui. Il faut que tu te branles moins. T'as pas le choix. Ouais, voilà, ça c'est le plus dur, quoi. Dans ce cas-là, branle-toi, mais va pas jusqu'au bout. C'est l'un ou l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Trois fois par jour, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Je fume pas, je bois pas, donc faut bien que je trouve une autre drogue, quoi. Ouais. Ta copine. Voilà. Les rapports sexuels avec ta copine, ça peut être une drogue. Ouais, c'est sûr, mais c'est le problème. Si je pense que trop regarder de porno, je pense que c'est malsain à la fin. Et trop se branler aussi, je pense que si ça va être malsain. Et je pense que ça. Je pense que tu te trompes, Quentin. Il n'y a rien de malsain à rien. Ouais, après, c'est effectivement la fréquence. Tu vois bien que ça a un effet chez toi. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'en branlant 3 fois avec éjaculation, tu as moins de désir pour ta copine et tu débandes. Il faut que tu corriges quelque chose. Ouais, je sais bien. Mais bon, personnellement, je suis cuisinier. C'est comme si je faisais un bon burger et je ne peux pas toucher à la fin. Donc me branler et pas finir, ce serait un peu même bordel, quoi. On a bien compris. Tu ne manges pas tous les plats que tu cuisines. Si. Essaye juste d'un petit peu moins de branler et de tenir plus longtemps avec ta chérie. Je vais essayer de faire en réduire. À tous les jours ou une fois en moins. Regardez celle du soir. Voilà. Moi, je veux poser la question à Alice aussi. Quentin, Alice, est-ce que t'as déjà vécu ça, toi? Peut-être toi de ton côté, tu continues de te masturber quand t'es en couple. En général, je continue pas spécialement de me masturber quand je suis en couple. Je le fais pas des masses, même étant célibataire. C'est vraiment genre juste de temps en temps comme ça, quand l'envie me prend. Mais, oh, sextoy. Mais c'est ça, c'est genre oh dis donc. Et ça me dérange pas du tout que mon mec se masturbe quoi. Après, s'il le fait, genre on vit ensemble, il le fait là, genre à côté de moi et tout, alors que moi je suis dispo pour le faire. Oh putain. Ce qui me dérangerait, c'est plus de pas le faire moi en fait, mais pas en mode oh il va penser à une autre meuf et tout. Enfin, il peut regarder des gangbangs sur internet, je m'en fiche quoi. Vraiment, c'est pas un problème. Mais ça serait de le cacher, tu vois, les gens regarder qui... des gangbangs. Mais non, mais c'est vrai. C'est le premier exemple qui te vient. Mais non, mais c'est tout pas... de suite. Oh, gangbang. Non, mais c'est façon de dire quoi, tu vois. Ouais, mais ouais. Ce qui m'énerverait, c'est le côté le mec qui le cache, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur un mec où tu rentres le soir, t'as des mouchoirs et tout, mais il ose pas le dire. Ça, les gens qui assument pas, en fait, qui se branlent parce que tu le vois, mais qui osent pas te le dire, ça c'est chiant. Ah bah, et n'hésitez pas à nous dire, Alice, tu nous as expliqué, Kassim, toi, tu te masturbes, toi. Mais moi, je branle quasiment tout le temps, mais ma meuf a été un peu jalouse au début. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que maintenant, quand je me branle, je lui mets dans un petit gobelet et je lui donne. Comme ça, on partage, quoi, tu vois. C'est moi jalouse. Ce mec est un porc. N'importe quoi. Tu sais, Kassim, la dernière fois qu'on a fait un sondage, si on devait garder Kassim ou pas, il y avait un maximum de noms. Hein. Le sondage a été signalé. Donc. Ouais, le sondage a été signalé. Restez avec nous, on continue d'en parler ou pas. C'est vous qui décidez en nous appelant au standard au 01 42 48 5000. Dans un instant sur Fun Radio, on sera avec Florentin, 18 ans de Vichy. Bonsoir Florentin. Allô Florentin ? Allô ? Ouais, salut. Salut ! Ça va ? Salut l'équipe, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ah, moi ça va pas trop, moi. Ah bon, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah en fait, j'ai vu un truc sur Facebook, ça fait 2 semaines que j'ai vu ça, en fait c'est un mec qui est resté bloqué dans sa meuf pendant un rapport sexuel, et en fait comme je suis claustro, depuis que j'ai vu ça, j'ai peur que ça m'arrive aussi avec ma copine, du coup ça fait 2 semaines que j'arrive plus à la toucher. Ah Florentin, t'as bien fait de nous appeler, on va t'aider, d'accord ? D'accord. Ok, ne t'inquiète pas, il y a une solution à tout, et en plus je suis persuadé que la solution va te plaire. Ok Florentin ? Allez, pourquoi pas. Allez, restez avec nous. Florentin dans un instant et son vagin, enfin le vagin de sa copine, hein, et restez avec nous pour écouter Jason Derulo et Goodbye. À tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love Fun. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. C'est le WhatsApp de l'émission. Vous laissez vos messages, vos vidéos, il n'y a pas de souci. Bonjour la famille, un petit bonjour de la Belgique. Je voulais juste vous dire que vous êtes juste géniaux. Surtout ne changez rien, on vous écoute tous les matins. Vous nous mettez une punch d'enfer. Bonne journée. Eh bien, amis belges, c'est avec plaisir que nous vous réveillons tous les matins depuis plus de 2 ans désormais. Et avec plaisir qu'on vous met une punch d'enfer. J'adore. Pour laisser vos messages sur le WhatsApp de Bruno dans la radio, 06 44 66 44 07. Concession BMW, 10h12. Ici, vous avez la série... Ok, j'achète. 11h16. Je vous présente notre superbe BMW. C'est bon, je la prends. 13h02. Pour découvrir le plaisir de conduire. Oui, mais elle est pour moi. Pas de temps à perdre. Jusqu'au 21 novembre, ce sont les BMW Speed Dating. Craquez pour les offres coup de cœur de votre concessionnaire, comme la BMW Série 5 de direction à moins 16 000 euros par rapport au prix du neuf. Offre dans la limite des voitures de direction disponibles dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmwspeeddating.fr. De 22h à minuit sur Fun Radio. Time to say goodbye. Don't leave me alone. Just stay for the night. I need you tonight. Derulo. Ooh, it's 3 in the morning. When you want some, you phone me. One word in Espanol, babe. And I come and you know. Girls in Haiti, they throw it. In Jamaica, they roll it. Girls in Spain do the most. But only you got my focus. Girl, I'm down for your loving. Down. si, si. T'expliquons que ça il est ti, ti, ti. Parlez-vous français? Oui, oui, oui. Si que l'on m'a mis balé. David Guetta, Nicki Minaj et Jason Derulo sur Fun Radio. Le zap de Coco dans Levin Fun sur Fun Radio. Coco a déjà sa rubrique. Quel talent! Quel talent! À peine arrivé, ça y est, il est déjà chroniqueur sur Fun Radio. On croit beaucoup en lui. Et il progresse de semaine en semaine. D'ailleurs, à chaque fois qu'il fait son zap de Coco, on appelle toujours son papa Clo-Clo. Hein, c'est son vrai papa d'ailleurs, hein, pas de mensonge ici. Et Clo-Clo décide de l'avenir de son fils. Exactement, c'est ça. Et je tiens aussi à souligner que hier, bah du moins dimanche, la dernière fois que j'ai fait mon zap, tu m'as applaudi. Oui, c'est vrai. Ah oui, je retiens ce moment-là, Karel. C'est vrai. Je t'ai applaudi, je sais pas ce qui s'est passé. Des moments de bonté comme ça vient voilà. De Karel. Ouais. Mais fais gaffe parce que Karel, l'inspecteur Coco, n'est pas toujours sympa. Oh merde. Et avec toi cette semaine, notamment, car on a parlé un petit peu d'où t'habitais, de ce que tu faisais en dehors dans ta vie privée, et on s'est rendu compte que t'habitais très très loin. T'habites à 1h30 d'ici, ça fait 45 ans que tu bosses à Fun Radio, et t'habites à 1h30 à chaque 45 fois. 45 ans Ça fait 45 ans. 45 ans que tu bosses à Fun Radio. Mais tu pollues énormément, ça veut dire. Attends, faut lever le lièvre là quand même. Je suis arrivé très très jeune à Fun Radio, c'est vrai. Je suis parti d'une génération dorée. Pas du tout. Génération dorée. Non, pas du tout. Non, mais oui, mais ça fait que quelques années que j'habite là-bas. Ah d'accord, bien petite sûr. Petite dizaine sûr. D'années. Petite dizaine. Quand même. Ah, ça n'en rajoutait pas. C'est vrai que j'ai cumulé les kilomètres. Il passe plus de temps sur la route qu'à l'antenne, le mec, c'est ça. C'est ça. Bon, allez, je balance. J'ai fait mon enquête, Karel. Ouais. T'habites à Dreux. Ouais. Et vers la Normandie, ah, tout pas ça. Loin. Je suis pas à côté. Enfin, je suis à côté de Dreux. Ouais. On me fait pas chier parce que j'ai mis Dreux pour mes calculs. Ouais. Ok, d'accord. T'es là-bas depuis 6 ans. Ouais. C'est ça. Un peu plus. 6 ans. Je t'ai un peu menti. Ah merde. Bah, j'ai mis 6 ans en tout cas. Ouais, ah, vas-y. Il y a 80 km entre Neuilly-sur-Seine, là où est le studio, ouais. Et Dreux, ta maison. Ouais. Donc ça fait 160 km par jour parce qu'il y a l'aller et le retour. Ouais, tout à fait précis. T'as oublié de compter les kilomètres quand je ramène Alice. Ah, ah, c'est encore, voilà. J'ai été cool. J'ai été cool. Tu vas comprendre rapidement pour le calcul que ça aurait été mieux pour toi que je rajoute ça. Vas-y. On bosse de fin août à début juillet. Ouais. Ça fait 231 jours. Ouais, ouais, d'accord. 231 jours de boulot. Ça fait 40 000 km par an. Ouais, juste putain. Pour aller au boulot, mec. Ouais, je te confirme. 40 000 km par an. Bientôt, tu vas devenir routier. Sachant que le prix d'une course VTC coûte en moyenne 2 euros le kilomètre. Oui. J'ai calculé, en 6 ans, si tu avais créé une auto-entreprise, tu aurais créé un chiffre d'affaires de 240 000 euros. Oh putain. Ne te fatigue pas, Doc, j'ai calculé pour toi, ça fait 1 500 000 francs. Et avec cet argent, Karel, tu aurais pu t'acheter la carte Pokémon la plus rare de l'histoire, le Pikachu Illustrator. Oh putain, mais ouais! Mais mec, ouais, putain! Mec, alors c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement de lancer un fonds de commerce. Ah bon? Eh oui! Et alors je lance un appel à toutes ces personnes qui habitent du côté de Dreux et qui bossent sur Paris de faire le trajet via un nouveau moyen de transport. Un moyen de transport révolutionnaire, la Karel Mobile. Un moyen de transport fiable, sécurisant et écolo. Et comme on dit, hein. Pas de diesel, y'a Karel. Ah bah c'est travaillé tout ça. L'inspecteur Coco fait bien son boulot. Allez, j'ai fait une compile des meilleures vannes de la semaine pour cette semaine. Et sur le podium à la 3ème place, dans la finesse, on retrouve... Tape dans le fond, je suis pas ta mère. Voilà, tape dans le fond, je suis pas ta mère. Ça c'est rapide, hein, c'est logique. Belle auditrice. Belle auditrice. La 2ème place, elle est attribuée à l'exagération cette semaine. Oui, parce qu'en fait, on nous racontait une bagarre, on nous parlait d'une bagarre. Et puis d'un coup, c'est parti en couille, quoi. Que j'aurais eu un gant, je l'aurais fisté. Ah, il l'aurait fisté, quoi. Ah, il avait eu un gant. Oh là là. Ça part n'importe comment. Et alors, le Graal de cette semaine, l'ironie triomphe ce soir pour la première place du podium attribuée à Karel avec son sens de l'autodérision. Et mes potes me défendent pas, et puis j'étais pas gaulé comme tu gaulais aujourd'hui. La blague, Karel le musclé. Ah oui, et il faut que je vous parle au fait de Marie. Vous connaissez Marie? Oui, Marie. C'est la voisine du doc. Les nouvelles de ta voisine peut-être? Aucune. Ah. Longtemps. D'accord, parce que je sais qu'elle écoute. Mais je n'en ai pas demandé, elle n'en a pas pris non plus. Hein. D'accord. Oh, on a réussi à les brouiller. C'est ça. Ça se trouve, il avait une petite ouverture, le doc, avec sa voisine et tout. Il tapait à la porte et tout. Et bien là, depuis qu'elle sait qu'elle répond plus. Bon, bah écoute, doc, je suis désolé si je t'ai cramé ton coup. Marie, la voisine du doc. Et moi, j'ai pensé à la vie de doc et celle de sa voisine en chanson. Alors, dans un premier temps, imaginez-vous un doc romantique. J'ai toujours préféré. Qui vit de leurs armes. Et puis d'un coup, imaginez-vous un doc qui commence à s'exciter un petit peu. Tu sais, un doc qui a jamais été autant au garde à vous que lors de son service militaire. Ah ouais. Toucher la chatte à la voisine. Doc. Mais alors, Doc, dans l'histoire, c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul qui aimerait bien toucher la chatte à sa voisine. Hein. Il y a aussi notre Karel qui aimerait toucher la chatte à la voisine de bureau. Vous savez, la Dude Story. Ah oui, c'est ça, c'est Alice. La Dude Story. Qui reprend du service ce soir. Une histoire d'amour impossible entre Karel et Alice. Mais Karel ne l'entend pas de cette oreille. Hein. Ah non, petit Karel. Petit malin, petit malicieux. Et à la surprise générale, cette semaine, on était stupéfaits. Ça commence en faveur de Karel. Ah ouais? Quand Alice, elle nous fait une révélation sur sa situation sexuelle. Toi Alice, c'est quoi toi? Oh bah alors moi il y a plein de choses, il y a les parfums, moi dès qu'on me touche un peu la nuque ou quoi que ce soit, ou les cheveux et tout, ça m'excite. Et puis en fait en ce moment je suis un peu excitée pour tout et rien, ça fait longtemps que j'ai pas fait l'amour. Ah bon? Donc voilà, mais ouais non, plein de choses. Les lumières tamisées. Alice se livre ce soir. Les bougies parfumées, enfin bref, la musique latino, là il me faut rien du tout. On dirait qu'elle est au bout du rouleau. Ah, j'ai un coup de chaud rien que d'en parler. J'en reviens pas, Karel est en train de prendre des notes. Alors Karel part en trompe cette semaine. Hein. On se dit c'est dans la poche, c'est pas notre Karel. Et il dit que c'est son moment, c'est sa semaine. Alors Alice est complètement ouverte, c'est un peu comme les journées du patrimoine en novembre pour Karel. Ah, c'est il ça. Visite tout ce qu'il peut visiter. Mais en fait, non. C'est quoi le parfum qui t'excite, toi, Alice? Ben, je sais pas, j'ai plein de parfums. Non, j'aurais trop peur que tu l'achètes. Alors, je vais pas le dire. Ah ben, arrêtez. Pourquoi vous rigolez tous? Non, pauvre Karel. Ça me fait mal, tu sais, quand je réécoute toutes les émissions comme ça. Vas-y, j'ai l'impression d'être une victime, là. Ah oui. Fais gaffe, on va le réutiliser pour la semaine prochaine, cette phrase. La friendzone a du bon aussi, hein. Elle a du bon, Karel. Bah oui, bah, tu t'es fait un pote de galère. Rémi, ce pote célibataire de l'auditrice du soir, il est dans la même situation que toi. J'ai un truc, parce que tout à l'heure, il y a une auditrice, elle était stéphanoise. Mon collègue, il est célibataire, si elle veut. Alors, c'est Morgane. C'est moi, ouais, mais je suis prise, je suis désolée. C'est ah voilà. Merde. Voilà, eh ben, dis à ton pote que c'est mort. Bah c'est mort, Rémi. Bon bah c'est mort, Karel. Sur ce, moi je vous laisse, je vais retrouver mon standard, puis je vous dis à jeudi prochain. Ah, bravo Coco. On t'applaudit, bravo Coco. Alors, on applaudit à trois doigts là. Non, c'était bien, c'était mais bien. Oui. C'était moins bien que la semaine dernière, c'est mais vrai. C'était bien. Non, c'est vrai que c'était moins bien. Il est dégoûté. Non, on va appeler ton père tout de suite. On va appeler Clo-Clo en direct sur Fun Radio. Nous appelons Clo-Clo comme chaque jeudi soir pour savoir si son fils revient la semaine prochaine. Bonjour. Bonsoir Clo-Clo. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Clo-Clo. Salut. Comment va ta femme? Ah très bien, elle est à côté là, très bien. Ah super, vous avez écouté la prestation de Coco ce soir? Ah oui, ce soir c'était très bien. C'était très bien, c'était très bien. Bien ouais. Alors, dimanche, j'ai pas pu écouter dimanche parce que je me suis endormi rapidement. Ah d'accord, l'émission t'a fait chier quoi. Ah non, mais le matin, j'ai fait le marathon de Nice-Cannes. Je peux pas tout faire. Ah ça oui. va, on s'en fout. Excusez, excusez. On s'en fout de ta vie, Clo-Clo. Tes enfoirés. Clo-Clo, j'ai qu'une seule question à te poser avant de te laisser dans les bras de ta femme. Est-ce que Coco revient avec un nouveau zap de Coco la semaine prochaine? Bien sûr, mon neveu, il revient jeudi. Bien sûr, mon neveu, et il a de qui tenir, hein, franchement. Merci beaucoup, Clo-Clo, et Coco Merci. Sera là la semaine prochaine. Bravo. Et Clo-Clo. Oui. Clo-Clo, tu vas faire quoi là après avoir accroché? Ah ben, comme d'habitude. Hein. C'est-à-dire? Une petite claque sur le cul, puis. Ces moments-là, ça me gêne. Voilà, il parle bien sûr de ta maman, Coco. Eh bien, gros bisous, Clo-Clo. Une petite tape, bonne petite tape sur le cul. Merci beaucoup, bonne soirée. Salut, Clo-Clo. 01 42 48 5000, et Florentin nous attend. Il a 18 ans, il est de Vichy. Florentin. Oui. Florentin qui a peur de rester coincé dans le vagin de sa copine depuis qu'il a vu une vidéo sur Facebook. Et je te l'ai dit, Florentin, tout va bien se passer, on va s'occuper de toi et on va te rassurer, d'accord? Ok. Ok, tu vas nous raconter cette petite vidéo dans un instant, mais d'abord voici Silk City et Dua Lipa sur Fun Radio. ce qu'il est bon ce son, hein. Silk City et Dua Lipa sur Fun Radio. De 22h à minuit. Love in fun. Du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Et Florentin. Et Florentin, 18 ans de Vichy. Florentin. Oui, je t'écoute, Karel. Bah, c'est nous qui t'écoutons, Florentin. Parce que t'es en panique. T'as vu une vidéo sur Facebook. Que se passe-t-il dans cette vidéo? Pourquoi t'as été choqué? Bah, en fait, c'est genre, c'est un couple pendant un rapport sexuel. Ouais. Bah, genre, le mec, sa bite était coincée dans le vagin de sa copine. Ouais, pénis captivus. Et genre, ah, t'as vécu ça, Karel. Bien sûr. Bah oui, oui. Après toutes ces années de Love in Fun, on le connaît, le pénis captivus, hein. Non, mais c'est vrai, Doc, c'est quelque chose qui peut arriver. On fait l'amour à sa copine, et puis, bah, on est bloqué. Il y a contraction musculaire. Et clac. Et on peut plus sortir. Mais ça vient de la femme, du coup. Ça vient de la fille et pas de. Ou c'est commun aux deux. Ah bah non, là, pour le coup, c'est. Oui, c'est vraiment uniquement, voilà, au niveau du vagin, ça se contracte et plus moyen d'en sortir, quoi. C'est ça. C'est ça. Et alors, quelles sont les solutions? Parce que du coup, Florentin, t'oses plus toucher ta copine, hein, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. Du coup, je suis obligé de trouver des excuses en mode, ouais, je veux pas aujourd'hui. Ah, t'es carré, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es parano, là. Ouais, Florentin, sérieux, tu fais ça? Bah ouais, un peu, enfin, je suis close trop à mort, ça me fait trop peur. Ouais, il est dans l'évitement. Ah ouais, ouais. Il y a un problème, j'évite. D'accord. Alors, c'est pour ça que je vous appelle, pour trouver des solutions. Pour quelle est la solution la plus radicale, Doc? Bah, il y en a une, évidemment, c'est par exemple de mettre un doigt dans le cul. Un doigt dans le cul? Ah bah alors de qui? Ne vous trompez pas. Hein? Ne vous trompez pas d'anus. Un chacun, comme ça on est sûr. Ouais, alors tout le monde met un doigt dans son cul et. Voilà, comme ça au moins. D'accord. Non, mais c'est vrai que mettre un doigt dans le cul, enfin dans l'anus, pardon, de la fille, c'est. Dès qu'on parle d'une femme, c'est un anus. Hein, eh bien, ça peut débloquer le truc. Oui, parce que neurologiquement, il va se passer effectivement quelque chose au niveau du sphincter qui va faire une contraction et donc du coup, ça peut décontracter de l'autre côté. Sinon, après, il y a aussi essayer de se détendre, respirer par le ventre, penser à autre chose, penser à ses vacances, penser à la journée de boulot, penser à sa voisine, bien sûr. On peut penser à tout. Et le garçon, il peut aussi faire ça. C'est-à-dire que si, puisque toi, t'es en érection, si tu débandes, bah, évidemment que ça peut être plus facile pour pouvoir sortir. Ben oui, tu te stresses tout seul, là, sérieux. Oui, juste c'est quand même rare. Hein, une vidéo sur Internet, dans ces cas-là, j'imagine que si tu te fies aux vidéos sur Internet, tu vas plus manger dans aucun fast-food, tu vas plus manger au McDo, tu prends plus les transports en commun parce que sinon il va t'arriver quelque chose. Ah, tu sors pas de chez toi. C'est différent. Ou alors tu crois en l'existence d'un cheval avec une tête de requin parce qu'on l'a vu sur Internet quand même. Bien sûr, forcément, ça existe puisque c'est sur Internet. Ah ben moi, je crois tout ce que je vois. Non, mais tu peux pas te stresser avec toutes ces choses-là. Oui, puis tu sors plus de chez toi. Puis tu fais plus rien et puis tu ne vis plus du tout parce qu'il peut t'arriver quoi que ce soit. Et ta copine, elle est à l'aise avec toi pour le coup. Je veux dire, c'est seulement si elle a un moment où c'est la situation qui fait que tu te retrouves là-dedans. Mais si elle est déstressée avec toi, détendue et que tout se passe bien, il n'y a aucune raison pour que tu aies le pénis captivé. Oui, faut quand même, c'est. Non, captivé. Mais ça fait très, je trouve, sort Harry Potter à chaque fois. Je trouve le pénis captivus. Antoloris. Florentin. C'est quand même très rare, faut quand même le dire aussi. Bah oui. Florentin, on te fait une grosse bise. Tu reviens quand tu veux. J'espère que t'es rassuré. Oui, d'accord, merci l'équipe. J'ai une autre galère à vous raconter. Ouais, bah demain. Donc, demain. Nous on est ouvert de 22h à minuit. Hein. Faut pas déconner. Tu crois quoi? Tu crois que Mikosé, il vient comme ça pour faire son émission à 1h du matin? Hein? Mikosé, il vient, il a pris le métro. Et Florentin, il a pris le métro comme tout le monde. Il est peut-être véhiculé. Et il vient pour faire son émission Party Fun Deep. Minuit, 1h. On respecte les auditeurs et on respecte les animateurs, Florentin. Ok. À demain, Florentin. Hein? Ok. On te rappelle demain. Eh, dis donc, on a passé 10 minutes sur ton pénis captivus là et tu vas nous dire qu'on est méchant. Hein? Je rigole. Allez, à demain, Florentin. On te rappelle pour la suite. Ouais, non, par contre, on va te rappeler demain. Ah bah oui. Salut, et c'est Johan qui va terminer l'émission ce soir. Vas-y, Johan. Bah, je voulais remercier toute l'équipe. Je veux te remercier, Karel. Et Karel, n'hésite pas à venir me voir en drag queen. C'est sûr que je vais te plaire. Ah bah ouais, pas de problème. Enfin, me plaira pas, mais ouais, avec grand plaisir, je mate ton spectacle. Envoie-nous une photo sur la page Facebook en message privé, comme ça on verra comme tu es belle dans ton habit de lumière. Ah, avec grand plaisir. Et je voulais finir en chanson, voilà. Ah, c'est parti. Karel. Vas-y. Allez, on y va. 1, 2, 3, et pour Karel, et pipip, et pour Karel, et pipip, et pour Karel. Je connais pas cette chanson. Merci, merci Johan. Voilà, merci à vous tous. Et Johan était sobre. Sobre à 22h et à minuit, voilà, c'est l'effet Love in Fun. À la fin, le mec, il se fait une soirée d'anniversaire pour lui tout seul. Et ben, merci beaucoup, Johan. Salut, gros bisous. Salut. Et nous allons retrouver. Bisous. Nous allons retrouver Mikosé. Bonsoir, Mikosé. J'ai pas compris les paroles. Et pour Karel, une petite pipe, non, c'était ça? Alors, pour Karel, une petite pipe. Moi, je suis chaud. Quand vous voulez, les amis. Enfin, quand vous voulez. On t'a dit la cigarette, c'est pas bon. On préfère la pipe. C'est dit. Tu pratiques également la pipe, Miko? Je vais pratiquer, oui. Ah oui? Laquelle? Non, l'abus de tabac est dangereux pour la santé aussi. Ah oui, je rappelle que fumez-tu. On s'embarque. Apparemment. On s'embarque dans une histoire, je vous explique même pas. On va se retrouver demain. Il est l'heure. Oui. 22h minuit, on sera là. On va vous laisser avec Mikosé, Party Fun Deep jusqu'à 1h du mat. Exactement. Éclatez-vous bien, profitez bien. Et on se retrouve demain. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Ladies and gentlemen, welcome. Feel this sensation. The deep. The party. The fun. Come on and feel it. Try it. Come on and live it. Party Fun Deep with Miko C. Un petit week-end, un petit jour férié. Il faut bien décompresser et se préparer à redémarrer la semaine. Pour ceux qui vont reprendre les cours, pour ceux qui vont reprendre le taf tout à l'heure vers 8-9h, bon courage à vous. En tout cas, on termine le week-end avec une petite heure deep house. On le prolonge ce week-end en fait. Avec une petite heure pour décompresser. Donc arrêtez tout, je m'occupe de vous. Jusqu'à plus d'une heure du matin, le son de Party Fun Deep avec Point Point, avec Jonas Blue, avec Years and Years, avec Arnold Palmer dans le premier quart d'heure. Et voici le nouveau son de Le Marquis pour démarrer l'émission. Ça s'appelle Nirvana. Hashtag Party Fun Deep sur Twitter. Welcome on board.